nostalgie qui brisera ta vie. Viendront les soucis, loin de ton pays. Mais ton île, impassible, attendra sans cesse ton retour. Une fille t'attend et te garde toujours son grand amour. Chez nous, la vie n'est pas toujours facile. Car souvent le temps est gris sous le ciel de Paris. Reviens au pays, chasse tes soucis. Reviens au pays. Et ça y est, c'est lundi. C'est oui, fini le week-end. Hein. Marie-Armand Moutou sur la première. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour La Réunion. Bonjour Florent. Bonjour Florent Marot. Il est l'heure de se réveiller. 5h sur la première. Et c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Florent Marot. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Encore un accident hier à Saint-Gilles, une collision frontale entre deux voitures à carrosse, bilan 7 blessés. Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé négatif, des contrôles encore nombreux ce week-end sur nos routes. On parlera des scooters débridés dans ce journal. Peut-on emporter de la viande pays dans ses valises? Aucune interdiction n'a été émise par la préfecture, mais hier, deux compagnies ont empêché les passagers d'embarquer avec ces denrées alimentaires avant de se rétracter. Explication à suivre. Plusieurs milliers de fidèles ont assisté hier à l'ordination du père Loïc Prunière à la Ravine des Cabris. À 30 ans, il devient le 50e prêtre à être ordonné dans l'île. Et puis en handball, pas de triplé historique pour les experts aux Jeux Olympiques. En football, nous reviendrons sur les 8e de finale de la Coupe régionale de France. À tous les résultats à la fin de cette édition. L'accident a eu lieu un peu avant 6h30 hier à Carrosse, du côté de Saint-Gilles. Deux voitures sont entrées en collision, un choc frontal extrêmement violent. Bilan, 7 blessés, dont 2 dans un état grave. Il a d'ailleurs fallu le matériel de désincarcération pour les extraire des véhicules. Une enquête est en cours. Les circonstances de l'accident sont encore floues. Le contrôle d'alcoolémie, en tout cas, s'est révélé négatif. Elle, en revanche, avait bu. La conductrice du 4x4 qui a heurté une voiture samedi, toujours à Saint-Gilles, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, bilan 4 blessés. La conductrice du 4x4 avait déjà été condamnée pour conduite en état d'ivresse. Elle doit être déférée aujourd'hui au parquet de Saint-Denis. Deux accidents, donc, coup sur coup à Saint-Gilles, malgré la forte présence policière ce week-end sur nos routes. Une centaine d'infractions ont d'ailleurs été relevées sur toute l'île. Cette semaine, ce sont les scooters qui seront dans le collimateur des forces de l'ordre, et plus particulièrement les machines débridées, une pratique courante dans le département et pourtant interdite et passible d'une amende de 135 €. Une campagne de sensibilisation démarre aujourd'hui, une campagne qui ne semble pas inquiéter certains usagers de ce genre d'engin. Stéphane Enilorac en a rencontré quelques-uns. Écoute. Comment est MOTPUL, comment ? La poudre, il monte 120 d'origine. Jean-Louis, la vingtaine, est fier de sa monture. D'origine, pas à tout, réglage simplement. Réglage bi dans le bon embrayage avec un pot. Pot GP Evo 2, transmission double 14, je précise bien, double 14. Les forces de l'ordre, ça ne l'inquiète pas. Combanerot Pouni, nous fuit à Zot. Nous les plumes à l'exode. Nous n'a un pas d'avance chez Zot. Oublie pas ça la loi. Et quand lui ou un autre se fait contrôler. Mettre cax. C'est en plus. Ah ouais, d'accord, pour le débridage, on ne gâte pas alors. Jamais travaillé pour ça. Et je connais les gars à la fin de gagner pour ça. Non plus. un peu plus âgé, gros mal, tente lui aussi de justifier les débridages de scooters. Le scooter, c'est un truc qui est fait pour rouler en ville. Donc, logiquement, on avait plus 50. Voilà, en ville, c'est la société qui construit ça. Pourquoi ça, tu fais un truc alors qu'en fin de compte, le moto lui-même dit ça va plus que ça. À zone de créer un truc que vraiment, il arrête à là. Ben là, ils vendent ces pièces-là. Si on disait, ils vendent ces pièces-là pour la compétition, en fin de compte, ils vendent ça en vente libre. Avant qu'on contrôle à nous, là, contrôle le magasin. Est-ce que les responsabilités doivent être partagées? La question mérite au moins d'être posée. Et justement, commercialiser ces kits est formellement interdit par la loi et passible d'une amende de 30 000 euros et de 2 ans d'emprisonnement. La campagne de sensibilisation démarre aujourd'hui, une campagne de la préfecture en partenariat avec le comité des assureurs Réunion Mayotte. Il avait plus de 3 grammes d'alcool par litre de sang au moment des faits et il aurait poussé son dallon samedi dans la rivière des Remparts à Saint-Joseph. L'agresseur, un homme d'une 40aine d'années, risque selon le quotidien de ce matin une mise en examen pour meurtre. Dans le reste de l'actualité, cette question, peut-on emmener de la viande pays dans l'Hexagone? Hier en tout cas, Air Austral et Corsair ont empêché les passagers d'embarquer avec leurs saucisses, boucanées et autres samoussa. Et pourtant, il n'existe aucune interdiction ministérielle du côté de la préfecture. Les compagnies auraient agi ainsi suite à la fièvre afteuse à Maurice et Rodrigue. Elles se sont ensuite rétractées, mais l'importation de viande est particulièrement surveillée en ce moment. Des mesures préventives que ne comprend pas Jean-Max Koupoussami, boucher sur le marché forain du Chaudron. On a pris des décisions depuis comment la fièvre 94. Depuis là, la Réunion est au top sur le bien. On n'a rien à voir avec ça sur le bien. De ce côté sanitaire, la Réunion n'a rien à voir. Nous dépendons de la France et pourquoi... Et là, on pense que va vraiment impacter vos ventes du coup? Ah oui, au niveau de la vente, oui. Ça sera une perte pour tous les artisans de la Réunion. Les voyageurs, c'est beaucoup de clients en haut? Ils ont à peu près 20%, on va dire. C'est un chiffre d'affaires de moins. Jean-Max Koupoussami, boucher sur le marché forain du Chaudron, au micro Réunion Première de Priscilla et Thève. Et on reparlera de cette affaire avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit aujourd'hui Loïse de Valicourt, chef du service alimentation à la DAF. Rendez-vous à 7h15. 5h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. C'est le 50e prêtre à être ordonné à la Réunion. Loïc Prunière, 30 ans, est originaire de Montvert. Il a été ordonné hier à la Ravine des Cabrés. Plusieurs milliers de personnes, dont ses parents et amis, ont assisté à la cérémonie qui a eu lieu juste à côté de l'église Saint-Augustin, là où le père Loïc devra mener sa mission. Pierre Comorassami était sur place. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Loïc, me voici, père. C'est ainsi que débute la cérémonie. Loïc Prunière est en bas de l'estrade. Il monte les quelques marches qui le séparent des autres prêtres du diocèse. Monseigneur Gilbert Aubry préside cette célébration. Il rappelle l'importance d'une ordination. Quand il y a l'ordination d'un diacre, c'est un homme de la Réunion qui est consacré pour rassembler le peuple de Dieu, pour proclamer la parole, pour faire vivre ce peuple-là. Puis c'est au père Patrice Boissier du diocèse de Nantes, où Loïc a fait ses apprentissages, qu'il revient l'honneur de demander que l'évêque accepte le jeune vicaire comme prêtre désormais. Loïc a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. La réponse de Mgr Aubry est ainsi accueillie par une salve d'applaudissements. Après les différentes étapes de la cérémonie d'ordination, des étapes marquées par plusieurs gestes liturgiques, comme la prosternation de Loïc devant l'évêque ou l'imposition des mains, Mgr Aubry annonce le lieu d'affectation du jeune prêtre. Il prendra ses fonctions en accord avec le père Lilian Payette, vicaire général et curé de cette paroisse. Loïc Prunière qui restera donc à Saint-Augustin, une paroisse qui a également accueilli hier les JMJ locales. Partage et convivialité également hier à la forêt de l'Étang Salé pour la 18e édition de la Marche de la Mutualité. 3500 personnes ont emprunté l'un des 3 parcours proposés au public, sportif, familial et mobilité réduite. Ils ont pu également s'informer sur le diabète, notamment, et bien sûr se faire dépister. Des stands consacrés au sport, à la santé et même à l'éclipse solaire du 1er septembre avaient été dressés. De quoi satisfaire tous les participants forcément satisfaits. C'est super, c'est bon pour nous. C'est un petit peu loin parce qu'on est vieux, mais pour la circulation et tout ça, c'est très important. Vous marchez régulièrement, vous ? Oui, par collègue et moi, on est deux pour faire un trajet. Combien de kilomètres ? On ne cherche pas les kilomètres, nous. On marche une heure et après on rentre, une fois ou deux fois par semaine. Tout seul, c'est plus compliqué. Hein. Voilà. Oui. Belle journée, c'est bien, on était nombreux. Vous avez marché combien de kilomètres, là ? 5, nous. À peu près 2 heures de marche. Oui, mais doucement, doucement, on n'a pas couru. Hein. Vous êtes-y marche régulièrement, sinon à part ça ? Oui, souvent. Ah oui, parce que par rapport à son diabète. Je suis diabétique. Ben, c'est conseillé. Mon médecin m'a dit, mais moi je faisais déjà avant qu'elle me l'avait dit. Et elle m'a dit de vérifier quand je marche, faire ma glycémie. Je remarque quand je marche bien, mon taux n'est pas haut, même un peu bas. Ouais. Donc ça aide vraiment, il y a du contrôle. Ah non, ça aide, oui, ça aide. La nourriture aussi, mais le sport aussi. C'est bien, c'est convivial. À refaire. Des réactions recueillies par Stéphane et Nilorak. Allez, on passe au sport avec la déception pour le handball français aux Jeux Olympiques. Après les filles, samedi, les experts se sont inclinés hier soir en finale face au Danemark. Résultat 28-26, une médaille d'argent, mais pas de triplé historique. En football, à La Réunion, suite et fin hier des huitièmes de finale de la Coupe régionale de France. Ça a été difficile pour la Saint-Pierroise qui a gagné face à la Jeanne d'Arc au tir au but. Plus facile pour l'Excelsior de Saint-Joseph, victoire 5-0. Face à l'AS Saint-Philippe. Enfin, victoire à domicile de l'AS Sainte-Suzanne face à la Tamponnaise 1-0. Une victoire qui s'est construite dans la difficulté. Tout de même, selon Jean-Max Tréport, l'entraîneur de l'AS Sainte-Suzanne. La logique était respectée, certes, hein, mais avec quelques difficultés. Hein. C'était pas évident pour nous. Voilà, 2 semaines, on a eu le terrain que 2 fois pour pouvoir travailler. On a su répondre présent. Hein. Comme j'ai dit, c'est un match physiquement. Dès l'entame de match, on a accusé un petit peu le coup. Et comme je disais aux gars, c'est un match qui se gagne au mental. Parce que l'adversaire, c'est quand même, il y a de la qualité en face, hein, il y a des joueurs de valeur. Ils nous ont montré leur niveau, que voilà, ils méritent de jouer beaucoup plus haut. Maintenant, bon, le résultat, 1-0, on gagne, on passe. Mais notre priorité, c'est le championnat. La coupe, c'est le bonus. À nous de travailler et rester concentrés. Et psychologiquement, c'est de bon augure pour la suite. Jean-Max Tréport, l'entraîneur de l'AS Sainte-Suzanne, au micro Réunion Première d'Olivier de la Richaudie. Les autres résultats d'hier, l'AS Saint-Louis a gagné face à Grandfond 2-0, Capricorne 1-0 face à la JS Bracreux. Un dernier résultat, 2 vainqueurs pour le prix d'1 sur le Camélia Red. Jean-Patrice Payette et Frédéric Duchemin ont franchi ensemble hier la ligne d'arrivée après 1h, 36 minutes et 11 secondes de course. Voilà pour l'actualité locale. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et Anne-Charlotte Costabadi revient évidemment sur la fin des Jeux Olympiques de Rio. Cette fois, c'est bien terminé. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques vient de s'achever au Brésil avec le passage de drapeau entre Rio et Tokyo, la prochaine ville, autant 2020. La France repart, elle, avec 42 médailles, une de plus qu'à Pékin en 2008. La dernière récompense en or avec Tony Yoka, le boxeur qui était déjà champion du monde. Amateur devient champion olympique dans la catégorie plus de 91 kilos. Ce sera finalement une médaille d'argent pour les handballeurs français battus par le Danemark en finale 28-26. Donc pas de sacre olympique pour la 3e édition consécutive. Pas de triplé non plus pour Julien Absalon en VTT. Il termine 8e. Maxime Marotte finit au pied du podium. Côté classement, le top 3, les États-Unis avec 121 médailles, dont 46 en or, la dernière remportée par les basketteurs. Et juste derrière la Grande-Bretagne, 67 médailles d'or, et la Chine, une médaille d'or de moins, 26, avec en tout 70 médailles. Dernier bilan, la France, 7e, 10 médailles d'or, 18 en argent, 14 en bronze. 2 Français tués à Madagascar, un homme et une femme d'une 20aine d'années, bénévoles dans une association environnementale. Leurs corps ont été retrouvés hier matin sur une plage de l'île de Sainte-Marie, au nord-est. Ils portaient apparemment des blessures à la tête. Ces jeunes Français avaient passé la soirée dans une boîte de nuit non loin de là. Le ministère des Affaires étrangères étrangères dénonce un crime odieux. Le ministère de la Défense, lui, a annoncé hier un nouveau raid aérien en Syrie français, donc contre le groupe État islamique. Il visait cette fois un centre de stockage et d'armement lourd de l'organisation terroriste à Raqqa, au centre du pays. Le groupe État islamique, qui serait à l'origine de l'attentat contre un mariage en Turquie, près de la frontière syrienne à Gaziantep. C'est en tout cas la conviction du président turc Erdogan. Selon lui, le kamikaze qui a tué la nuit dernière au moins 51 personnes était âgé entre 12 et 14 ans. Elle a finalement changé d'avis. Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, elle va faire appel de son maintien en prison. Elle se disait épuisée après la décision du tribunal il y a 10 jours, donc contre l'avis du parquet et la grâce partielle du président François Hollande. François Hollande qui ferait mieux de ne pas se représenter l'année prochaine, un bilan catastrophique. C'est donc les termes d'Arnaud Montebourg. Ce dimanche, l'ancien ministre du redressement productif a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2017. C'était depuis sa traditionnelle fête de la rose à Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire. Il n'a pas dit en revanche s'il serait candidat à la primaire de la gauche. Là, un petit mot de football. Les derniers matchs de la deuxième journée de Ligue 1. Victoire du PSG face à Metz, 3-0. Saint-Etienne face à Montpellier, 3-1. Guingamp gagne à la maison face à Marseille, 2-1. Merci de vous réveiller avec la première, 5h14. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Mickaël, fin de nuit fraîche, puis matinée sous les signes du soleil. Ouais, seulement 17 degrés à Saint-Denis et à Saint-Pierre en se réveillant ce matin. Si vous êtes actuellement au pied du lit, ou même déjà avec un nez dehors, vous comprenez que c'est un peu frais à nouveau. Alors gla. Profitez bien de la matinée parce qu'en fait, après, les nuages vont s'imposer sur les montagnes notamment et s'étaler vers l'ouest et le sud, donc vers Saint-Gilles, l'étang Salé, ou encore la région de Saint-Pierre, avec un petit risque de pluie, notamment sur la hauteur du sud-ouest, les Macs ou le Tampon. De l'autre côté, au volcan ou encore du Barachois à Sainte-Rose sur la côte, les éclaircies devraient résister, tout comme d'ailleurs dans les cirques. Alors le fait nouveau par rapport à hier, c'est le retour du vent. On n'en avait pas hier, vous l'avez vu, hein, vous l'avez ressenti. 30 à 40 km/h sur Saint-Denis et Saint-Pierre. Et puis une petite houle de sud-ouest toujours, qui concerne la pointe des Aigrettes et jusqu'à la pointe de la Table, qui s'atténue tout de même et qui passe sous les 2 mètres en moyenne. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlabodou.com. Et on espère que vous avez passé une bonne journée hier, bon week-end en général, et que vous êtes bien là, au taquet, pour vous réveiller lundi matin. De toute façon, il faut, Mickaël, ça y est, c'est lundi, tout le monde repart sur le chemin de l'école, c'est reparti également sur le réseau routier, il doit y avoir beaucoup de trafic, on fera le point avec vous, avec Yves Gruyer, jusqu'à 9h, il n'y a pas de problème. L'actualité, bien sûr, qui reviendra à 5h30 avec Cécile Thomas, et puis d'ici là, vous prenez peut-être vos petits-déj matin. Peut-être. Eh bien, le défi petit-déjeuner repart pour un tour. Vous envoyez votre photo sur la page Grand Matin sur Facebook. Exactement. Vous likez cette page. Voilà, N'oubliez pas, vous postez votre photo. Tout à l'heure avant 8h, tirage au sort pour repartir avec des invitations pour aller au cinéma. Et en fin de semaine, tirage au sort pour une nuit pour deux à l'hôtel. Et la fin de semaine, on l'attend forcément. Tu m'étonnes. Déjà, dès le début, dès lundi. Vos SMS sur le 06 92 70 2000. Et puis comme chaque matin, on accueille Prisca qui est là, Prisca qui a frais. Ah, oui. Bonjour Prisca. Salut Prisca. Bonjour les amis. Et je suis avec Loïc. Ah, déjà, Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Comment il est? Ben ça va. Il fait un peu froid. Ouais. Ça va. C'est vrai, mais bon, on va mettre la doudoune là. À cause de moi, de quoi je t'ai emballé grand matin là. Parce qu'en fait, il y a Ibrahim. Ibrahim, il est à l'extérieur du marché de Gros. C'est quoi cette histoire de balai? Et Loïc, on s'en choisit un balai là. Ah. Ah. Un balai, c'est pour passer aux fruits et légumes sur le tampon. Donc en fait, Ibrahim, il vend cette espèce de balai spécial là. Ah, le balai magique. Un bon balai pour passer pour nettoyer les fruits et légumes. Mais apparemment, il n'a pas le modèle qu'on veut. Aïe, voilà, aïe, nous aurons Jimmy pense. Quel modèle on veut donc? Ah, un modèle avec beaucoup de... Modèle de luxe. Comment? C'est l'épée. Ah, il ramasse bien. Pour bien brosser. Pour bien brosser. Ouais, apparemment, Loïc, il y a une technique pour passer le balai. On passera de votre fruits et légumes, comme ça, vous allez nous montrer comment est-ce que vous nettoyez. On en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Allez, bah, tout à l'heure. 6h moins le quart. Merci, Prisca. À Prisca, en direct du marché de Gros de Saint-Pierre. La technique pour pas se balayer. Hein. Ouais. Attention. Hein. Apparemment, sur les fruits et légumes. Hein. Bah oui. Ouais. Important. Hein, alors... Ça, je ne savais pas, vous savez. Et bah maintenant, tu sais. T'as vu, c'est important, grand bon, matin. Lundi 22 août, votre horoscope avec. Juliette. Bonjour, Juliette. Bonjour, Juliette. Bonjour à tous et excellent début de semaine. Nous sommes le lundi 22 août. Excellente fête à tous les Fabrices qui sont à notre écoute. Merci à ceux qui nous rejoignent. Surtout, ne bougez pas puisque tout de suite, on retrouve l'horoscope de la première. Bélier, si vous êtes partant pour une grande histoire, les célibataires, allez-y. Taureau, oula, on peut dire qu'en ce début de semaine, vous êtes lent au démarrage. Gémeaux, la chance vous accompagne. Côté finance, vous pouvez enfin rêver d'une acquisition ou d'un grand voyage. Cancer, la tentation est justement de croire que vous devez agir alors que ce n'est pas le cas. Lion, chaque détail comptera aujourd'hui. Vierge, le sujet, c'est vous et partout. Balance, il va falloir se reprendre. Scorpion, n'attendez plus le déclic, faites les choses à l'instant où elles s'imposent. Sagittaire, place à un festival de bonnes petites nouvelles qui pourraient changer la donne. Capricorne, il n'y a qu'un pas, ne le franchissez pas ou vous pourriez le regretter amèrement. Verseau, votre intuition est particulièrement stimulée par votre créativité. Mais alors la question est, qu'allez-vous donc pouvoir en faire ? Poisson, surtout ne vous laissez pas avaler par le quotidien. Excellente journée. Excellente journée à toi, Juliette. Bah oui, il ne faut pas se laisser avaler par le quotidien. Non. C'est important. Surtout pas se faire dépasser par les événements. Jamais. Voici Tricot de Peau pour démarrer la journée avec vous, peut-être. Bon réveil, bonne rentrée. Dans mon délire sur la première. Délire, mais wapi mon figure, pile de à sous mon bras, moi ni sec, moi ni raide, un bout de bois. Telle photo dans ton grand moment, mi blé, mi pali, mi full camp, nous aboutons, fin caillaté, ti bout mon corps, bout dépouillé. Trouve pas d'un créto voix, un créto bradé sous ton doigt. Nan délire, ce moment la pipé, mais allez dormir. Nan délire, mi wapi mon figure. Un pilote de à dessous mon bras, mon est sec, mon est raide, un bout de bois. N'a lion ni pendi avec moi. Couleuvre plein partout, plein vénin. Mais la pipe pour aller aucune place. Puis de projet de comète, c'est gros calbasse. Et mis sort d'eau d'un créton voix. Un créton bralé sous ton doigt. Nan, mon délire. Sans mon mal à pipé, mais aller dormir. Ça les frêle. À cause à moi, à cause pas lui, à cause pas elle. N'a plus la force pousser et sous battre. T'as de pipe pour manquer, mais stop net, arrête de battre. Et mis ça en mort d'un créto voix. D'un créto bras des sous ton doigt. Non, mon délire, ça m'en met la pipe, mais allez dormir. Dans mon délire. Tricot de peau. C'est vraiment d'un délire, hein. Ouais. Oh, tricot de peau, Éric Lebeau, Marine Charlin sur la première. Ils seront le samedi 27 août à 20h au théâtre de Conflore à Saint-André. Donc réservez vos places. Ah bah vous allez sur tout, la page Facebook de Tricot de peau. Allez, vous avez entendu la petite musique, ça veut dire qu'on file maintenant sur les hippodromes. Et on commence par celui de Deauville, puisque hier il y avait une course déjà. Exactement, Isabelle. Et pour gagner, eh bien, il fallait jouer le 16, le 14, le 12, le 15 et le 7. 16, 14, 12, 15, 7, numéro plus gagnant, le 0741. Concernant le quintet d'aujourd'hui, eh bien, il va se courir à Clairefontaine. Ce sera le prix de la Côte Fleurie. Il va y avoir 18 partants, 2400 mètres à parcourir, 4 millions d'euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 13, le 9, le 3, le 12, le 10, le 2, le 17 et le 7. 13, 9, 3, 12, 10, 2, 17, 7. Pour le quintet de cet après-midi à Clairefontaine, le prix de la Côte Fleurie. Départ prévu à 15h47. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. C'est terminé pour les Jeux Olympiques. La cérémonie de clôture en direct actuellement sur Réunion Première. Vous pouvez le suivre en télévision. Mais du coup, que va-t-on regarder à la télé? Quel sport va-t-on faire? Quelles compétitions vont encore exister dans les prochaines semaines et les prochains mois? Bon, on a une petite idée. On a regardé, nous, avec Isabelle. Et on vous en parlera après Emmanuel Moire et tout le monde sur Première. Mais tout le monde dans qui Grand Matin. Ah, tout le tout monde écoute Grand Matin. Bah, c'est normal. C'est avec vous. Excellente rentrée et bon réveil. Comment c'est là, ce sourire déjà, choisir plus tard de se revoir, se revoir. Ralentir le pas, parler après d'un peu plus près. Tout le monde a peur, tout le monde veut aimer, tout le monde attend son heure, et quand l'heure est arrivée, plus personne n'a peur. Plus personne n'est laissé, plus personne ne pense à l'heure, même si l'heure vient tout changer. Arriver là, vivre à deux puis trois, s'aimer autant, mais moins souvent. Extrait de son album La Rencontre, Emmanuel Moir avec tout le monde sur Première dans Grand Matin. Ça y est, les JO, c'est fini, les amis. Oui. C'est fini. Bah oui, c'est fini. C'est enfin. Fini. Deux médailles pour nous dans la nuit. Alors, l'argent pour les handballeurs français, dommage. L'or pour Tony Yoka, champion olympique des super lourds en boxe. Alors, place maintenant à de nouvelles compétitions, à d'autres compétitions pour ceux qui sont un peu moins sportifs, mais qui ont des talents plus cachés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, non, c'est-à-dire. Alors, je vous explique. Le week-end du 3 et 4 septembre s'ouvre à Consono, en Italie, le championnat du monde de cache-cache. De justement, de cache-cache. Cache-cache. De cache-cache. Bah oui, cachette. Hein non. Bah si, cachette. Pour jouer au cache-cache, il faut quoi? Bah, il faut des participants. Oui. Et faut des cachettes. Il faut être un grand enfant aussi. Il faut être un grand enfant. C'est clair. Et effectivement, il faut des cachettes. Alors, ça tombe bien. Ouais. Ça tombe bien. Consono, une sorte de Las Vegas italien. C'est complètement déserté depuis une trentaine d'années, quand la seule route reliant le seul village à la ville la plus proche a été détruite. Alors les bâtiments sont aujourd'hui quasiment tous laissés à l'abandon. D'accord. Une vraie ville fantôme. Ah, c'est parfait. Idéal pour, parfait pour jouer à cache-cache. Et se faire peur. Alors, le concours a été créé en 2010. On n'attendait pas non plus avoir des experts mondiaux en cache-cache ou des recordman olympiques ou mondiaux. Là, c'est juste pour le fun. Mais si vous voulez vous inscrire, on ne sait jamais, si la Dolce Vita en Italie, ça vous plaît, eh bien, il y a un site. www.nascondino. Non, c'est un site vraiment sérieux en plus. Hein. NascondinoWorldChampionship.com. Nascondino, donc NASCONDINO. Ouais. WorldChampionship.com. Non, mais c'est pas la peine de donner trop de détails, on va pas s'inscrire. Je sais pas, on sait jamais. Hein, c'est peut-être... loin, hein, bah Nascondino. Oui, c'est vrai, là. C'est vrai, oui, vous avez raison. Alors, par contre, tout est en italien. Tout est en italien, donc ça va être un peu compliqué, sauf si vous comprenez la langue de Materazzi. Alors, Isa, tu as trouvé d'autres disciplines qu'on peut pratiquer avec des petits moyens à La Réunion. Voilà. Alors déjà, mais enfin, il faut le vouloir quand même. Voilà, alors déjà, hier, il y a eu, par exemple, en métropole, le lancer de grains de pastèque. Le plus loin. C'est un championnat aussi, c'est important. C'est un... Bon, bah, voilà, il y a ça. Bon, bah, sauf que c'était hier, tu vois, donc là, c'est foutu, c'est fini, pour aujourd'hui. C'est fini. Sinon, c'est en même temps que la fin des JO. J'ai trouvé un truc plus compliqué, ça s'appelle le sepak takraw. Le quoi? Le sepak takraw. Le sepak takraw. Alors, en gros, pour résumer, c'est comme du volleyball, sauf qu'on joue avec les pieds. Ah ouais. Donc c'est pas du volleyball quoi. Là c'est compliqué. Oui mais c'est compliqué quand même. Parce que si tu veux le filet il reste en l'air quoi si tu veux. Et bien haut tu vois c'est pas du foot non plus. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Les gens qui jouent à ça sont des acrobates c'est sûr. Alors Florent Marot à ses heures perdues joue au hockey sous glace. Sous glace. Ah, c'est pas sur sous. Non c'est sous, les lacs sont gelés. Il y a deux équipes de joueurs. Alors le palais. Mais la glace se brise au moment où Florent Marot passe non c'est. Non alors c'est là que c'est un peu compliqué parce que les participants nagent en apnée. J'éconne Florent. Et en fait non tu déconnes pas mais je vais le répéter et donc il y a le palais qui est sous la glace, tu vois, donc ça peut être important. Bon, ceux qui ont qui aiment leur femme, par exemple, et qui ont l'impression qu'elle est tout le temps sur leur dos, qui aiment vraiment leur femme. Eh ben, il y en a, ils ont fait un championnat avec ça. Oui. C'est le porter d'épouse. alors, pas porter d'épouse. Alors, tu la portes ta femme, tu vois, bout de bras comme ça. Faut évidemment pas la lâcher. Tout ça sur un parcours de 253 mètres. Et il y a plein d'obstacles partout. Tu vois, faut sauter sur des trucs, rouler dans des machins. Tout ça avec parce ta femme si, sur le si dos. Si tu la lâches, en plus de perdre, t'auras la crise à la fin. Quoi. On t'engueule à la maison. C'est ça. Un peu le truc. Alors, vous avez un animal, faut sortir le chien, mais vous aimez aussi faire du vélo. Et ben voilà, est né le cani VTT. T'as trouvé les deux. Ah bah oui. Voilà, les deux. Le cani VTT. Alors, comment ça marche ? Consiste, bien sûr, à relier avec son chien VTT. Avec sa laisse et tu fais du VTT. C'est une course. Et tu tombes donc jamais. Il faut que enfin, si tu peux tomber, sauf que si tu tombes, Bibi, il tombe aussi, en fait, hein, si tu veux. Moi, vous tombez à deux. Après, il y a le foot dans la boue. Hein, ou plutôt dans les marais. Bon, ça marche plutôt pas mal. Le but fait, à la ça. Fin, c'est d'être le moins sale possible. On imagine quand on regarde les photos, vous pouvez aller voir. Il y a le baby-foot subaquatique, c'est-à-dire dans le fond de la piscine, ils ont mis un baby-foot et faut jouer, voilà. Sinon, pour nous trois, allez, pour Cécile, nous. Mika et moi, alors, j'ai trouvé le pierre-feuille-ciseau. Le pierre-feuille-ciseau, là. Et bien, il y a un championnat du monde, ça se passe à Las Vegas. Ah ben non. Ciseaux tous les deux. Ciseaux tous les deux. Ça se passe à Las Vegas et il y a quand même 50 000 dollars de cadeaux à la clé pour... De cadeaux à la clé pour... Internet. Hein? Il y a un et site internet là. On s'entraîne particulièrement. Ouais. On s'entraîne pas, mais c'est attention, très sérieux. C'est manuel. Hein. Bon, c'est manuel. Hein. Et c'est l'heure de s'entraîner d'ailleurs. 5h30 sur la première. Et c'est aussi l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Des accidents graves ce week-end sur nos routes et une campagne d'information à destination des scooters à partir d'aujourd'hui sur le débridage des deux roues. Nous entendrons le major Lucas, commandant en seconde de l'escadron départemental de sécurité routière de La Réunion. Des ordinateurs portables pour les lycéens qui entrent en classe de seconde. Le plan POP est reconduit cette année avec en prime une aide pour payer la connexion Internet et de destinée aux foyers les plus modestes. La fin des sacs plastiques sur les marchés, c'est pour le 1er janvier 2017. Pour l'instant, les commerçants écoulent leur stock. Se passer des sachets, pas si facile, vous l'entendrez. Et puis en sport, édition de Soyons Sport à Saint-Denis ce week-end et la fin des JO à Rio. La cérémonie de clôture est en cours. 42 médailles pour les Bleus. L'argent hier en balle pour Daniel Narcisse. Prudence sur la route ce matin. Le week-end a été marqué par de graves accidents dans l'Ouest. Samedi soir à Saint-Gilles, une collision frontale entre un 4x4 et un autre véhicule a fait 2 blessés graves et 2 blessés légers. La conductrice du 4x4 était alcoolisée. Elle avait déjà été condamnée pour avoir conduit après avoir bu. Et puis hier matin, très tôt, une collision frontale a fait 7 blessés. 2 d'entre eux sont dans un état très grave. En revanche, les contrôles d'alcoolémie se sont révélés négatifs. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer les circonstances du choc. De nombreux contrôles routiers étaient organisés ce week-end pour inciter à la prudence. Encore 17 permis de conduire ont été retirés. Et c'est aujourd'hui que débute une campagne d'affichage à destination des conducteurs de scooters. Il s'agit de les sensibiliser au risque du débridage, car on parlait de graves accidents impliquant des voitures ce week-end, mais les scooters sont eux aussi souvent accidentés, 70 cyclomotoristes environ chaque année. Des accidents souvent dus à une vitesse excessive, permise grâce un bidouillage, le débridage des scooters. C'est formellement interdit par la loi. Les forces de l'ordre sont d'ailleurs équipées d'un appareil spécial qui peut mesurer la vitesse maximale d'un deux roues, le curvomètre. Les explications du major Robert Lucas, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière de La Réunion. On ne peut pas le voir du premier coup d'œil. C'est pas parce qu'il fait du bruit qu'automatiquement il est puissant. Il faut donc voir la mécanique elle-même, et des fois ce n'est qu'un simple gicleur ou une simple intervention électronique qui permet de débrider. Et ça ne se voit pas spécialement à l'œil nu. Dans ce cas-là, il faut une expertise qui coûte très cher, évidemment. Par contre, le curvomètre, lui, nous permet de détecter immédiatement si le bridage a sauté ou pas. La plus grosse sentence, ça va être la mise en fourrière de son scooter, une amende de 135 €, et puis il va falloir qu'il le remette en état. Si jamais il ne le remettait pas en état, le scooter serait donc confisqué, détruit, ou alors peut-être revendu, avec le bridage compris, si jamais, évidemment, il était revendable. Le major Robert Lucas, interrogé par Stéphane Nilorac. Et ça peut coûter cher, tout contrevenant s'expose à une amende de 135 €. Commercialiser des kits de débridage est quant à lui passible d'une amende de 30 000 € et de 2 ans d'emprisonnement. Le débridage des scooters, on en parle ce midi, ce sera le thème de C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Rendez-vous dès 12h15 sur Réunion Première. Encore un mot sur la route. Ce matin, il faudra aussi compter avec les bus scolaires après la rentrée échelonnée. La semaine dernière, les rotations de bus reprennent. Nous y reviendrons dans notre édition de 6h et de 6h30 avec les efforts faits en matière de sécurité pour accompagner les élèves dans ces transports. Exemple dans l'Ouest avec le TCO. 5h34 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. On quitte les routes mais on reste à l'école avec la rentrée. C'est le retour des bons pop pour les lycéens. Le plan ordinateur portable, c'est un bon de 500 € pour acheter un ordinateur à l'entrée en seconde. Une nouveauté cette année, la région financera également la connexion internet des familles les plus modestes pour un maximum de 20 € par mois. À quoi sert cet ordi pop ? Raphaël Kahn a rencontré des élèves du lycée Le Comte de Lille à Saint-Denis. Les lycéens vont en cours cartable sur le dos. À l'intérieur, cahiers et trousses, mais pas d'ordinateur pop. Pour la plupart des disciplines, le papier suffit. Les matières scientifiques mobilisent surtout l'outil digital, selon Alicia, élève en première S. Quand ils nous demandent, on ramène, c'est tout. On l'utilise en maths, ouais, pour les algorithmes et des trucs comme ça. À la maison, difficile de surveiller ce que font les lycéens avec leur ordinateur. Si certains ne l'utilisent que pour taper leurs devoirs et faire des recherches, nombreux sont ceux qui en font une utilisation détournée. Jeux vidéo, internet, tout est bon pour ne pas travailler. Basile, élève en terminale STMG, est un peu plus créatif. Je fais de la musique avec. J'ai installé un logiciel de MAO et je fais des sons avec. Pour installer son logiciel, Basile a dû craquer son ordinateur. Par défaut, celui-ci est installé avec Ubuntu, un système d'exploitation limité. Pour contourner ces restrictions, certains jeunes modifient leur machine pour le remplacer par Windows. C'est ce qu'a fait Solène avec son ordinateur, mais dans un but scolaire. J'ai installé Windows dessus et du coup, il y a plus d'applications utiles dessus. C'est mieux. Quoi comme application ? Bah, par exemple, OpenOffice, pour le travail, ou même Google Chrome, ou des trucs comme ça, enfin des trucs plus utiles, quoi. Attention néanmoins aux lycéens qui se la donnent des idées. Craquer son ordinateur annule la garantie de 3 ans. Un reportage de Raphaël Kahn. Loïc Prunière a été ordonné prêtre hier à la Ravine des Cabris. La cérémonie célébrée par l'évêque de La Réunion, Gilbert Aubry, s'est tenue juste à côté de l'église Saint-Augustin, dans la paroisse où a été nommé le père Loïc. Il est originaire de Montvert, il a 30 ans, c'est le 50e prêtre ordonné à La Réunion. Hier, plusieurs milliers de fidèles ont assisté à cette célébration. Dans la foule, ses proches, sa famille et ses amis. C'était beaucoup d'émotions, notamment pour ses parents, son père Jean-Claude et sa mère Mose. Que du bonheur et la joie de voir mon fils se donner pour l'église de La Réunion. C'est un grand moment et puis c'est pas tous les jours effectivement que un réunionnais devient prêtre et quand c'est son fils, c'est encore plus émouvant. Il l'a dit lui-même en remerciement, on a toujours laissé son libre choix et la satisfaction des parents vient du fait de voir son enfant prendre un chemin et aller jusqu'au bout. C'est une satisfaction et une fierté de voir un enfant qui part au bout de ses convictions. Des propos recueillis par Pierre Komorasamy. On reparle ce matin des sacs plastiques sur les marchés. Vous le savez, ils devront bientôt disparaître. Hier à Saint-Denis, il y avait du monde au chaudron. Les petits sachets rouges, bleus, blancs, jaunes sont encore à la disposition des clients. Mais très vite, il faudra trouver des alternatives. Pour l'instant, les forains écoulent leur stock. Le reportage de Priscilla Etève sur le marché forain du chaudron à Saint-Denis. Sac en toile, cabas, roulette, soubique, à chacun sa méthode écologique pour faire son marché au chaudron. Enfin, presque écolo, car même là-dedans, on y retrouve quelques sacs plastiques. Hélas, oui. Je suis désolée pour ça, mais c'est vrai que je ne devais pas venir faire le marché. J'allais ailleurs et finalement... À chaque fois, c'est un peu compliqué de venir avec des sachets en carton. En plus, c'est pas tellement solide, donc... Ils donnent, donc tant qu'ils donnent, nous prenons. On refuse pas alors? Non, pas pour l'instant. Devaine, vendeur de fruits et légumes sur le marché forain du chaudron, est bien conscient de la pollution qu'il engendre avec ses sachets rouges et verts, mais il estime ne pas avoir d'autre choix pour l'instant. On est obligé de donner parce qu'on a un stock à finir. Quand le stock finit, après c'est fini. Et ça va durer combien de temps, vous pensez, votre stock là ? Un mois, deux mois facilement. De son côté, Ophélie, une autre foraine, n'arrêtera qu'en décembre prochain, c'est-à-dire un mois avant la date d'interdiction totale de la distribution de ses sacs d'emballage, et elle les regrette déjà. Le sachet, comme il est léger et moins encombrant, dans l'enlever carrément, ça va être dur pour les petits légumes surtout. Mais il faudra s'y faire et penser déjà à une autre alternative, comme les sacs en papier par exemple. Priscilla Etève. Du sport avec un petit air de Jeux Olympiques ce week-end à Champfleury. Un village éphémère a été installé pour la manifestation Soyons Sport. Au programme de l'escrime, du hand, du crossfit ou encore des échecs. Toutes ces disciplines ne sont pas olympiques, j'en conviens. De quoi titiller tout de même tous les amateurs de défis. Le reportage d'Olivier de la Richaudie. Alors maintenant on va perfectionner un petit peu l'action des bras. On va mettre la barre ici. Okay. Plutôt habitué au crochet avec déjà une solide expérience en foot et en boxe, Paul, 12 ans, découvre pour la première fois le mouvement de l'arraché, l'haltérophilie, une discipline qui pourrait bien l'aider à muscler son jeu. Contre les gens plus lourds que moi, si j'ai plus de gabarit, ça sera plus facile pour moi de réussir à récupérer le ballon ou garder le ballon en faisant des protections. Les parents qui ont aussi donné du leur parmi les nouvelles activités proposées cette année, le handfit, une discipline qui allie jeu de balle, cardio et renforcement musculaire. Pascal, 46 ans. Allez, là, laver peut-être pour même pas 30 minutes, mais quand même. Sans courir, si même pas 5 mètres carrés, on a de quoi travailler cardio. On est bien. Et s'il y a une catégorie d'âge qui a de l'énergie à revendre, c'est bien celle des tout-petits. Dès 3 ans, Lydie Michelin accueille les marmailles en baby-hand. Est-ce que vous pouvez prendre la noisette d'une main? On sert une série de petits ateliers pensés sur le mode ludique. On est beaucoup sur du développement moteur, aussi sur des jeux ludiques avec les couleurs, les formes, puisque c'est à cet âge-là qu'on commence cet apprentissage-là. Et puis on est aussi sur le travail de la manipulation de la balle, donc avant de pouvoir la partager. Le sport collectif, un tout nouvel univers qui leur ouvre ses portes, mais il faudra patienter encore un peu. L'école de hand ne recrute qu'à partir de 6 ans. Olivier de la Richaudie, les JO à Rio, la cérémonie de clôture a lieu en ce moment. Côté terrain, le handball français rêvait d'un doublé à Rio. Il n'aura finalement remporté aucune des deux finales après la défaite des filles. Samedi, les garçons se sont inclinés hier. Ils sont face au Danemark, 28-26, pardon. Ils sont donc repartis avec la médaille d'argent. Médaille d'argent pour les filles, médaille d'argent pour les garçons. 42 médailles en tout pour les Bleus. Record battu par rapport à Pékin. Finalement, le bilan est plutôt pas mal parce que la deuxième semaine a été bien meilleure que la première. C'est vrai. On s'est bien rattrapé avec un peu moins de médailles d'or. Tout de même, on aurait espéré l'or, notamment en handball, avec une belle fête actuellement sur Réunion Première en télévision pour cette cérémonie de clôture. Feux d'artifice qui partent là du stade olympique de Rio. Merci Cécile. On se retrouve. À tout à l'heure. Normalement, oui. On vous attend tout à l'heure. 5h40 sur la première, on fait un point météo tout de suite. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et pour ça, tu lèves, bonheur, faut sortir le paletot dans les hauts, Mickaël. Ah, là, il est important, parce que c'est vrai que le froid est bien présent. 2 degrés seulement à la plaine des Cafrins, 6 degrés au volcan, tout comme au Maïdo. Et puis plus on s'approche de la côte, plus il fait un peu plus doux. Mais enfin, il fait frais quand même, 13 degrés à Brapanon. Seulement 16 à Saint-Denis actuellement, si vous vous réveillez, 17 à Saint-Pierre. Le soleil va réchauffer l'atmosphère tout de même, puisqu'il sera bien présent en matinée. Puis ensuite, dans les hauts, on va ressentir à nouveau la fraîcheur, puisque les nuages vont couvrir les montagnes et s'étaler vers l'ouest et le sud, avec un petit risque de pluie sur les macs ou le tampon. De l'autre côté, sur le littoral, entre le Barachois et Sainte-Rose, on devrait voir un peu plus éclairci, tout comme au volcan, ainsi qu'au Maïdo et dans les cirques. Donc profitez bien de ces rayons de soleil sur cette partie de l'île, avec du vent qui va souffler, mais modérément, voire faiblement, 30 à 40 km/h, pas plus, sur Saint-Denis et Saint-Pierre. Et puis si vous prenez la mer, l'ouest et le sud seront toujours bercés par cette houle qui s'atténue et passe sous les 2 mètres en moyenne. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile, sur www.miadao.fr. Et nous on continue. Si vous réveillez en ce moment, bah vous faites quoi? Vous avez votre petite photo? Exactement, bah oui, comme Brice qui a envoyé son message. Un cuisse, un hanche poulet, de riz de grain et du jus d'orange. C'est lourd. Ouh, bah il donne la force au thé. Ouais. À suivre le marché de gros avec Prisca, d'ici la Maprine, avec l'amour maternel sur Première. Un matin par un détour, je rencontre mon ami Marcel. A dit à moi mon premier amour, a demandé à lui mon nouvel. Moi l'a dit, ça c'est l'histoire ancienne, faut pire retourne derrière. Les souvenirs y ramènent les belles. Un côté l'ombre, l'autre la lumière. Elle ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon nom. Moi n'a l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. La vie un choix de vie, donc pour une fille mi souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi n'a l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi la vie un choix de vie, donc pour une fille mi souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Est devenu, non, n'y veut pas savoir. C'est le cadre de mes soucis. Un matin dans l'arrosoir, si tu vois mon ami cool, si tu fais l'aller, agir au collet. Allez, Marcel, sois cool. Dis le temps, la cicatrice m'est belle. Viens ici, moi, la reste tout seul. Moi, elle est toujours la case, maman. Moi, dans l'amour maternel, pour moi, elle est suffisant. Elle a fait un choix de vie, donc pour une fille mi souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Maintenant l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Elle a fait un choix de vie, donc pour une fille mi souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Le meilleur du son de la Réunion, il est forcément sur Première avec Maprine, l'amour maternel. Et nous, on va filer à Saint-Pierre dans le sud pour aller voir peut-être quel produit nous a déniché Prisca. Exactement, Prisca, dans un instant, ça donnera une petite tendance pour savoir quoi ça mange à midi ou encore à soir. Et juste avant 6h, n'oubliez pas, on joue ensemble au mixeur pour vous faire gagner vos places pour le concert événement du 7 octobre. L'Indigo, Désiré François, c'est la soirée Enfants Zillois au Petit Stade de l'Est. A tout de suite. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Oh, 你想学汉语, 没问题, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Tu es étudiant, jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Et on rejoint Prisca tout de suite. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca sur le marché de Gros de Saint-Pierre. Comment ça va, Prisca? Coucou, Prisca. Ça va très bien. Alors, c'est la fin de la journée hein, pour le marché de Gros, puisqu'il est ouvert depuis 4h du matin. Et nous sommes avec ces bazardiers pour la pause café. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Dites-moi. Venez me voir. Alors, c'est un peu compliqué, vous avez vu. Attendez, je vais essayer de passer, monsieur. Excusez-moi. Je peux passer de l'autre côté? Voilà, parce qu'ils sont tous attablés. Bah oui. Du coup, alors, comment il est? Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, le café était bon ce matin. Super. Vous avez pris un chocolat chaud. Un chocolat chaud, c'est bon. Un petit chocolat chaud. Voilà. Voilà. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui, le marché de Gros? Parce qu'il va fermer ses portes, là, bientôt. Ça a été ce matin, un peu difficile, 24 heures, mais c'est bon. Oui, vous êtes un acheteur, un vendeur? Acheteur. Vous êtes acheté, là, pour... Un petit peu de bourgette, un petit peu de piment, un petit peu de tout. Les prix sont corrects? Ça va. Oui. Pour le consommateur. Pour le consommateur, si c'est bon. Oui, alors combien de... Parce que vous connaissez quand il y a un petit peu de brinzel, un petit peu de piment, on a l'impression que c'est un petit peu, mais en fait, là, on parle en tonnes, quand même. Ah, ouais. Ah oui. Non, chacun là, son petit peu. Un petit peu de tonne. Un petit peu de brinzel, mais une petite tonne de brinzel, hein, c'est ça. Voilà. Allez, on va tourner le micro de l'autre côté, parce que c'est vraiment pas évident. Alors, attendez, à chaque fois que je passe, bonjour. Et les photos, sur Facebook. Ouais, ça va, super. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a pris pour le petit déjeuner ce matin? Pareil, un petit café, un petit chocolat. Et vous faites quoi sur le marché de Gros? Quel est votre rôle? Comme avec mon collègue, on est acheteur pour un grossiste. Ouais. Les prix étaient corrects ce matin, apparemment. Oui, plus ou moins. Est-ce que vous avez pu négocier, vous, le prix de la brinjale ou le prix de la tomate? On négocie un peu sur tous les produits, on essaie de faire pour le mieux. Et ça va, les prix sont corrects. Parce qu'ils vous entendent, là, les agriculteurs, les bazardiers, qui remontent, hein, justement, dans les fruits et légumes. Bien sûr, bien sûr. Bonne journée à tous, en tout cas. Allez, bonne journée. Merci à vous. Bon, on va bouger un peu, les amis, puisque le marché de Gros ferme ses portes. On va aller dans un bazar de proximité qui est situé sur le front de mer de Saint-Pierre, pour le direct de 6h20 tout à l'heure. D'accord. Eh bien, parfait. Et vous prenez aussi une petite photo de petit déjeuner, comme vous l'avez fait pour le marché de Gros. Hein. Mais bon. Ah oui, on va mettre ça sur la page Grand N'hésite Matin pas, de Facebook. C'est parfait. Et on postera aussi le film du jour tout à l'heure sur la page Facebook de Réunion Première. On fait comme ça. Merci Prisca. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et c'est le moment de... De jouer sur la première. Et on joue à quoi? Eh ben, on va jouer au mixeur, puisqu'à cette heure-ci, rentre dans les studios DJ celui Fou. Qui ne parle pas mais qui mixe, le DJ Fou. Bonjour, DJ Fou. Fou. C'était un mix. Ça, c'était quoi? Ah, ok. Non? Elle a été contaminée par le DJ, là. Contagieux, son truc. Le DJ, en fait, qui a commencé le mix le lundi 15 août. C'est ça. Oui, il a donc 7 jours seulement dans les mains, on est d'accord, de mixage. C'est qui, entre nous soit dit, fait pas beaucoup. Hein. C'est ça. Bah, donc, voilà. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelques petits soucis dans son mix. Et puis, surtout, ne l'accablez pas, quoi. Non, parce que le pauvre, c'est pas un défaut de votre radio. Hein, tout va bien, c'est juste un sale mix. Bon, le but, quand même, c'est de gagner. Donc, c'est surtout ça. Le mix. On s'en fout un peu. Voilà. Comment on fait pour gagner? Eh bien, retenez bien ce numéro de téléphone, 02 62 99 2000. Le DJ Fou a mixé deux titres, à vous de reconnaître lesquels. Bon, soit le titre de la chanson, soit qui ça y chante. Hein. On va pas se casser la tête grand matin. Là, à ce point-là, non. 99 non. 2000, écoutez bien. Entre dur. Oula, c'était compliqué ça. On l'a tellement entendu, 02 62 99 2000. Allez-y. Ça va gâter, je crois, là. Ah, là. Ah, bah, celui-là, il est... Oui, il n'est pas compliqué non plus. Ça me donne mon gueule. J'allais donner le titre, dis donc, chantant. Ouais, c'est ça. Allez, on est parti au standard. maintenant, puisqu'on prend le premier appel comme ça à la volée. Allez, c'est parti. Bonjour Gérard. Bonjour. Allô. Allô Gérard. Qui parle. Bonjour et bon réveil. Il peut pas parler Gérard. Mais c'est peut-être pas Gérard. Hein. Mais c'est peut-être comment pas Gérard. Comment vous appelez? C'est à vous, bonjour. Ah, ah ben voilà. Non, hein. Bon, il voulait vraiment pas parler. Allez, 0262 99 2000 pour jouer avec nous ce matin et repartir peut-être avec vos deux invitations pour Enfants Illois. Enfants Illois, le concert événement du 7 octobre prochain avec l'Indigo et Désiré François. Voilà, le groupe Cassia sur scène. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. C'est qui au bout du fil? C'est Florence de Belpierre. Oh, Florence de Belpierre. Ça va, Florence, ce matin? Ça va très bien. Ouais, vous avez un peu froid? Non. Non, ah bah ça va, ok. C'est cool. Elle a pas froid, Florence. C'est peut-être la seule à pas avoir froid. Bon. Non, parce que je suis chauffée. Ah. Ah, vous avez bien raison, Florence. Mais ça, c'est, c'est pas bien, ça, d'être chauffée comme ça alors que les autres ont froid. Si. Et la chance type ou la pas chance type canard. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Flo. Ah, on peut dire. Flo, vous faites quoi cette journée? Bosser. Vous avez bossé dans quoi, Florence? Service public. Enfin, oui, c'est presque les services secrets, j'ai l'impression. Oui. Hein, ça. En même temps, c'est pas grave, Florence, hein, de bosser pour le service public. Oui, c'est pas... C'est pas grave, hein. Voilà. C'est bien aussi. C'est pas une tare. Bon, allez, Flo. Avant d'aller au FBI, on va jouer. Allez. Quelle est votre réponse, Florence? Rihanna. Oui. Et avec Belser. Belser. Belser, oui. Na. Comment on appelle encore? Philippe Lapoter. Philippe Lapoter qui est... Philippe Lapoter, voilà. Et c'était quel groupe? Na. Na. Essayez. Essayez. Ben c'est gagné, ma chère Florence. Ben voilà. Bravo. Voilà, ça c'est fait pour vous. Vous aimez l'Indigo? Oui. Vous aimez Désiré François? Le groupe Cassia? J'adore. Eh ben ça tombe bien, écoutez Isa. Les invitations pour ce grand concert au mois d'octobre, Enfants Illois, c'est pour vous. On vous rappelle pour vous indiquer comment il faut faire pour repartir avec vos billets. Les bons? Bisous, bisous. Bisous Florence. Allez, bonne bye journée. Bye. Et voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Garrier, Maurice Eugène. Monsieur Garrier, Maurice Eugène, retraité du conseil départemental. Le décès survenu samedi à l'âge de 88 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima à Saint-Denis aujourd'hui après la bénédiction qui aura lieu à Prima à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Monsieur Rebecca Joseph Antoine Dieudonné. Monsieur Rebecca Joseph Antoine Dieudonné, dit Tino. Le décès survenu samedi à l'âge de 77 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui après la bénédiction qui aura lieu à Prima à 15h suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de madame Véléchi Simon Adrien, née Périane Démodélie Thérèse Stéphanie. Madame Véléchi Simon Adrien, née Périane Démodélie Thérèse Stéphanie, dite madame Permal. Le décès est survenu hier à La Saline à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 16 chemin Acadine à La Saline aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église Sainte-Thérèse d'Avila, l'inhumation au cimetière de La Saline. L'heure sera précisée ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Mickaël, quelques infos pratiques. Oui, avec des coupures d'électricité qui sont prévues encore aujourd'hui pour ce lundi 22 août à Saint-Paul, notamment de 8h à midi, en partie sur les rues Rhin et Danube, et Marius et Harry Leblon, ainsi qu'à Saint-Pierre de 9h à 15h30, rue Amiral Lacaze, mais celle-là aussi est en partie coupée d'électricité. Demain, des coupures aussi à prévoir, mais cette fois-ci d'eau. En tout cas, la distribution en eau sera perturbée sur la commune de Saint-André, de 7h à 18h sur le lotissement Petit Dioré, chemin Dioré, le réduit, chemin Sarabé, ainsi que les voies adjacentes. La remise en eau se fera dès achèvement des travaux. Même chose à Salazy. Distribution perturbée, voire interrompue, à Maragoyave, Maravieille-Place, le Radier, Maracitron, Petit Sable, lotissement Bavang, ainsi que les voies adjacentes, la remise en eau. Là aussi, se fera des achèvements des travaux. Plus d'informations sur le www.cise-reunion.fr. RE. Et puis, plus que jamais, pour terminer, l'établissement français du sang appelle les donneurs du groupe O à donner leur sang. L'alerte stock est maintenue, les collectes se poursuivent cette semaine, en commençant par aujourd'hui au Géant Chatoir, à Le Tampon, de 13h à 17h au Tampon. Vous pourrez donc donner votre sang au Géant Chatoir de 13h à 17h avec le FS. C'est le réveil pour vous, ça tombe bien. On vous offre votre nuit d'hôtel à la fin de la semaine, à condition de poster une petite photo. Exactement, celle de votre petit déjeuner. On embrasse d'ailleurs Yannick dans son camion, qui lui, comme photo, eh bien, nous a mis la photo de son gâteau coco, nous précise-t-il, fait par sa fille, avec du yaourt à boire. Tout ça, eh bien, avec réunion première sur le poste. C'est parfait pour le petit déj, Yannick, on vous embrasse. Postez vos photos, vous aussi, la meilleure d'aujourd'hui, pour repartir avec donc ces places de cinéma. Exactement. Et puis, vendredi, grand tirage au sort. Oh là là, ce serait bien pour la fin de semaine. Tous les participants, donc participez, toute la réunion, on vous attend. Excellent réveil et bonne rentrée. Voici Edith Leffel. Et vos messages de réveil, on les attend sur le 06 92 70 2000. Comme chaque matin du lundi au vendredi avant 6h, c'est l'instant Florent Marot, vous savez. Un petit peu caliente. Edith Leffel, voilà, la sirène. Sur la première. Il est vraiment l'heure de se réveiller. Il est 6h. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. 15 millions d'euros, c'est ce que coûte le transport scolaire pour les 5 communes du TCO. Ce matin, un coup de projecteur sur les accompagnateurs. Il y en a plus de 100, mais pour eux, hors de question de jouer aux gendarmes. Un reportage à suivre. Autre chiffre, 135 euros, c'est le montant de l'amende si vous vous faites arrêter au guidon d'un scooter débridé. Certains de ces engins peuvent aller jusqu'à 120 km/h et ils ne sont évidemment pas faits pour. Une campagne de sensibilisation démarre aujourd'hui. Saucisses, boucanées, autres samoussa, Corsair et Air Austral ont empêché les passagers d'embarquer avec de la viande pays hier. Mesure de précaution, même si aucune interdiction n'a été émise par la préfecture. Les deux compagnies se sont ensuite rétractées. Et puis en sport, on reviendra sur la défaite des handballeurs français en finale olympique. On reviendra également sur les huitièmes de finale de la Coupe régionale de France et sur le Camélia Red hier à Saint-Denis. On ne les remarque quasiment jamais et pourtant leur rôle est essentiel. Depuis mercredi dernier, la rentrée scolaire, une centaine d'accompagnateurs travaillent dans les bus qui transportent les élèves de l'Ouest. Coût de l'opération, 3 millions d'euros sur les 15 que coûte le transport scolaire sur le territoire de la côte Ouest. Pour Trois-Bassins et Saint-Leu, c'est l'association Get 974 qui a obtenu les marchés. Et c'est surtout la seule structure indépendante à proposer l'accompagnement et l'assistance dans les transports collectifs. Hubert de 15 millions d'euros, c'est ce que coûte le transport scolaire pour les 5 communes de l'Ouest au TCO. 11 millions pour les 210 bus, 3 millions pour les 105 accompagnateurs. Pour les communes de Trois-Bassins et Saint-Leu, ce sont 65 employés de l'association Get 974 qui accompagnent les élèves. Une association dédiée aux services dans les transports en commun. Jocelyn Dominique est le directeur adjoint du Get 974. L'idée, par exemple, pour les élèves, c'est tout simplement mettre la ceinture, monter dans l'ordre, dire bonjour au conducteur, parce qu'on est aussi là pour la civilité et respecter les règles de sécurité. Les employés du Get 974 ne sont pas là pour jouer les gendarmes. On est par contre, nous, en assistant et en accompagnement des usagers des transports en commun. Les accompagnateurs sont tous formés à l'évacuation d'un car en cas d'incendie ou encore aux gestes de premier secours. Tous nos agents ont une formation en premier secours pour pouvoir intervenir effectivement sur des cas de malaise, de blessures ou autre. Pour le TCO, les accompagnateurs sont nécessaires dans les bus. Daniel Thébault est le directeur des transports. C'est important qu'il y ait ce contact personnel avec les enfants. C'est une garantie de sécurité dans la mesure où ils ont des missions pour les aider à monter dans le bus sans se faire du mal et toutes les consignes de sécurité en cas d'incident. Rien que pour l'année 2015, 680 interventions et remontées d'informations ont été réalisées par les accompagnateurs. 3 millions d'euros donc sont investis pour ces accompagnateurs sur un budget total de 15 millions d'euros pour le transport scolaire au TCO. Et pour aller à l'école, ceux qui ne prennent pas le bus ont la plupart du temps leur propre scooter, des engins dont la vitesse est limitée à 45 km/h mais qui peuvent atteindre voire dépasser les 100. Il suffit de débrider son engin, une pratique courante dans le département et pourtant interdite. C'est pour rappeler les règles qu'une campagne de sensibilisation démarre aujourd'hui, mais selon Charles-Henri Rangoulaman, tous les bidouilleurs ne sont pas des fous de vitesse. Employé chez un concessionnaire, il estime que certaines personnes recherchent simplement plus de puissance pour affronter le relief réunionnais. C'est vrai qu'effectivement, sur certaines personnes qui achètent un scooter qui monte à 45 km/h, cette personne-là, elle y habite dans les hauts. Imagine à la montagne, ou Boulay, ou dans les hauts de Sainte-Marie. Ben, à un moment donné, ils sont obligés de mettre le pied par terre pour monter. Et donc, ça peut créer un accident. J'ai même une mère qui m'a dit ça, qu'à un moment donné, qui suivait son fils en montant. Et il disait, ça fait peur quand même, quoi, parce que la moto, elle part pas, elle avance pas. Mais il y en a, non, qui font ça juste pour aller tester leur véhicule entre amis et amis, quoi. Voilà, c'est tout. Mmh. Mais pas tous dans le même bateau. Pas tous. Parce qu'il y en a qui ont besoin justement de ça, et en plus c'est juste pour aller à l'école ou travailler. Et t'en as des jeunes, ben justement, ben eux, ben ils s'en servent juste pour s'amuser. Charles-Henri Rangoulaman, réceptionniste moto chez un concessionnaire de Saint-Denis, interrogé par Stéphane Enilorac. La campagne de sensibilisation démarre donc aujourd'hui et se terminera le 3 septembre. Une campagne de la préfecture en partenariat avec le comité des assureurs Réunion Mayotte. A noter que tout débridage est passible d'une amende de 135 euros. Les scooters débridés, on en reparlera à 12h15 dans C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et on ne le répétera jamais assez, attention sur la route, un nouvel accident a eu lieu hier un peu avant 6h30 à Carrosse du côté de Saint-Gilles. Deux voitures sont entrées en collision, un choc frontal extrêmement violent, bilan 7 blessés dont 2 dans un état grave. Les circonstances de l'accident sont encore floues, le contrôle d'alcoolémie en tout cas s'est révélé négatif. Elle en revanche avait bu, la conductrice du 4x4 qui a heurté une voiture samedi toujours à Saint-Gilles avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, bilan 4 blessés, la conductrice du 4x4 avait déjà été condamnée pour conduite en état d'ivresse. Elle doit être déférée aujourd'hui au parquet de Saint-Denis. 6h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Cette question maintenant, peut-on emporter de la viande pays dans ses valises? Aucune interdiction n'a été émise par la préfecture, mais hier, deux compagnies ont empêché les passagers d'embarquer avec ces denrées alimentaires. Avant de se rétracter, il s'agit de Corsair et d'Air Austral qui ont interdit boucané, saucisses ou encore piment farci dans les bagages. Certains évoquent la fièvre afteuse à Maurice et Rodrigue. Du coup, Béa, une réunionnaise en vacances, s'inquiète. Elle prend l'avion samedi pour l'Hexagone et elle craint de voir tout laisser ici. J'ai de la famille qui m'ont déjà préparé des rougailles saucisses, des gens qui travaillent à charcuterie, et ben, elle est déçue. Là où tu finis de faire la place d'autres valises, mon Ah, pas parfaitement, ben, plus du tout. Du coup, je ne connais plus que ça me peut prendre. Et mes 25 kilos, je sais pas, il faut m'y charger avec d'autres choses, peut-être d'autres produits, tijac, d'autres produits qu'il n'interdit pas, parce que là, apparemment, il n'interdit que de la viande. D'ici là, j'espère pas que les autres produits l'interdit. Du jour au lendemain, tout d'un coup, c'est, il ne concerne pas la Réunion. Et pourquoi la métropole? Aujourd'hui, il interdit la viande, la fin interdit à nous les fruits qu'on nous sort de là-bas pour amener ici. Bientôt ce sera quoi? Bientôt ce sera les vêtements, les habits aussi, nous on va venir comment tout nu. Béa, une réunionnaise en vacances dans son île, interrogée par Priscilla et Thève. Et on reparlera de cette affaire avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier. Reçoit aujourd'hui Loïse de Valicourt, chef du service alimentation à la DAF. Rendez-vous à 7h15. Les sacs plastiques, c'est fini, on le sait, cette mesure vise à réduire les impacts environnementaux, mais certains commerçants, notamment les forains, bénéficient d'un sursis. Ils ont jusqu'au 1er janvier 2017 pour écouler les stocks, une aubaine pour les consommateurs, car sur les marchés, ces petits sachets semblent toujours indispensables. Damien vient avec sa soubique au marché forain du Chaudron, mais il ne refuse jamais un emballage plastique et il déplore déjà la fin de sa distribution. Les vrais réchauffent vraiment la planète. Mais il y a d'autres choses à arrêter avant ça. Le sachet plastique, c'est pas ça qui va défendre la pollution, etc. etc. Les vrais, dans la saleté, les gens jettent ce sachet partout, etc. Ils gèlent, même en circulation, ils volent sur l'auto, le vide, etc. Et puis être dangereux. Les tortues, etc. Oui, il y a tout ça, mais bon. Il y a d'autres choses que ça. Parce qu'ils servent à nous, le sachet, quand même. Et ils servent à où, à quoi, ou par exemple? Comme ça, un petit boutique, par exemple, comme là, ils donnent plus sachet, ou de pain, barquette, le midi, ou travail chantier, ou travail barquette, marche avec un barquette partout, un chemin, molle. Damien qui regrette la disparition du sachet plastique, interrogé par Priscilla et Thève. Allez, on passe au sport avec la déception pour le handball français. Après les filles, samedi, les experts se sont inclinés hier soir en finale des JO face au Danemark. Résultat 28-26, une médaille d'argent, mais pas de triplé historique. En football, à La Réunion, suite et fin hier des huitièmes de finale de la Coupe régionale de France. La Saint-Pierroise est passée à tout près de la correctionnelle, mais les Cigognes sont passées face à la Jeanne d'Arc au tir au but. Victoire plus facile pour l'Excelsior de Saint-Joseph, 5-0 face à Saint-Philippe. L'AF Saint-Louis s'est qualifié 2-0 face à Grandfonds. Victoire de la Capricorne, 1-0 face à Bracreux. Et puis la Sainte-Suzanne a battu la Tamponnaise 1-0. En course à pied, deux vainqueurs sur le Camélia Raid hier. Jean-Patrice Payet et Frédéric Duchemann ont franchi ensemble la ligne d'arrivée après 1h36 minutes et 11 secondes de course. Chez les femmes, c'est Delphine Deran qui s'est imposée. Son chronomètre, 1h53 minutes et 1 seconde. J'avais pas forcément la niaque de compète sur la ligne de départ. Après, bon, elle est venue dans la course. Hein. Quand tu mènes et que tu es à l'aise, forcément, ça vient. Donc après, tu lâches rien. Et puis, bah, du coup, j'ai géré. Je suis pas partie trop vite, hein, parce que c'est parti très vite. J'ai doublé quelques féminines, bah, justement, qui étaient peut-être parties dans la foule assez vite. Et puis, bah, du coup, je suis montée au train dans le sentier ONF, que je connais, et ça m'a aidée aussi. Et donc arrivé à ma mode camp, je me suis dit, reste plus que la descente, tu lâches rien. Et il y avait Patrick Giraudet que je connais et qui court. Je me suis dit, allez, tu essayes de t'accrocher, je sais qu'il descend bien. Bon, il m'a quand même mis une certaine distance, mais bah, je le voyais quand même en ligne de mire et ça m'a aidé. Delphine Deran, première féminine sur le Camélia Raid, interrogée par Olivier de la Richaudie. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Anne-Charlotte Costabadi revient évidemment ce matin sur la fin des Jeux Olympiques. Après un peu plus de deux semaines de compétition, les Jeux Olympiques de Rio sont désormais terminés. La cérémonie de clôture s'est achevée cette nuit au stade Maracanã sous la pluie, mais au rythme de la samba. Côté français, la dernière médaille était en or, celle de Tony Yoka en boxe, catégorie super lourd. Journée marquée aussi par cette défaite en finale des handballeurs français face au Danemark, 26-28. Les experts visaient le troisième sacre européen consécutif. La France a donc 42 médailles, une de plus qu'à Pékin en 2008. Elle est septième au classement des nations avec 10 médailles d'or, 18 en argent, 14 en bronze. Tout en haut du classement, les États-Unis 121 médailles, dont 46 en or, derrière la Grande-Bretagne et la Chine. Prochaine édition en 2020 à Tokyo au Japon. Deux Français tués à Madagascar la nuit dernière. Leur corps a été retrouvé hier matin sur une plage de l'île Sainte-Marie au nord-est. Ils portaient des blessures à la tête. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années, bénévoles dans une association environnementale. Ils avaient passé la soirée dans une boîte de nuit non loin de là. Le ministère des Affaires étrangères dénonce un crime odieux. La France qui fait un nouveau raid aérien en Syrie contre le groupe État islamique. Le ministère de la Défense a précisé qu'il visait cette fois un centre de stockage et d'armement lourd de l'organisation terroriste à Raqqa, au centre du pays. Et justement, le groupe État islamique serait à l'origine de l'attentat contre un mariage en Turquie la nuit dernière près de la frontière syrienne à Gaziantep. C'est en tout cas la conviction du président turc Erdogan. Et selon lui, le kamikaze qui a tué au moins 51 personnes donc lors de ce mariage en plein air était âgé entre 12 et 14 ans. Arnaud Montebourg, officiellement candidat à la présidentielle de 2017, l'ancien ministre du redressement productif l'a annoncé depuis son fief de Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire lors de sa traditionnelle fête de la Rose. Il n'a pas précisé s'il allait participer ou non à la primaire à la gauche, mais il appelle le président à ne pas se représenter. Des centaines de producteurs de lait sont attendus dans la journée devant le siège de Lactalis en Mayenne, des agriculteurs qui sont venus des Pays de la Loire, de Bretagne, de Normandie pour protester contre les prix pratiqués contre le géant laitier. La consultation chez son médecin généraliste coûtera 2 euros de plus cher à partir du 1er mai 2017. On passe de 23 à 25 euros l'année prochaine. La Fédération des médecins de France a en tout cas donné son feu vert pour la nouvelle convention tarifaire des médecins. Et puis la mort d'un docteur, l'épidémiologiste américain Donald Henderson. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il a permis d'éradiquer la variole après 10 ans passés à la tête de travaux sur le sujet à l'Organisation mondiale de la santé. Maladie qui a fait plusieurs centaines de millions de morts. En football, les derniers matchs de la deuxième journée de Ligue 1, surtout victoire du Paris Saint-Germain face à Metz 3 à 0, également Saint-Etienne qui s'impose face à Montpellier 3 à 1. Guingamp à la maison remporte son match face à Marseille 2 à 1. Et puis en rugby, fin de la première journée top 14, victoire de Bayonne sur Toulon 28 à 23. 6h13 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Quelle belle promesse, Mickaël. Soleil pour tous, ce lundi. Il faudra bien en profiter puisque les nuages vont s'imposer en montagne cet après-midi, surtout dans l'ouest et le sud, avec quelques averses possibles sur les macs et le tampon. De l'autre côté, à l'est, entre le barrage Ouest-Saint-Trost, ça sera un petit peu plus ensoleillé l'après-midi. Le volcan, le Maïdo et les Sierques devraient bénéficier encore de belles éclaircies dans le courant de la journée. Température fraîche ce matin de 3 à 19 degrés. 3 à la plaine des Cafres, 19 sur le littoral ouest et 15 à 26 degrés cet après-midi. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Enfin, un point sur le trafic et attention, un galet sur la chaussée, sur la route de Sillaos. Bonjour Yves Gruyère. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce lundi matin. Oui, un galet, un gros galet semble-t-il, tombé à proximité de Pilestalcide, cette aire de parc, cette aire de pique-nique qui se situe donc peu après la rivière et avant donc il est, après il est sursi. Donc attention à ce secteur où donc le galet, alors permet quand même de passer, mais on attend un tract-up pour pouvoir dégager cet élément sur la chaussée. Et puis en plus il faudra faire sans doute de l'enrober parce qu'il a fait un bel impact, donc un beau trou dans la chaussée. Donc attention, prudence à ce niveau. C'est signalé depuis 6h moins le quart ce matin. Je me trouve du côté de Pagnandi sous un ciel bien dégagé comme vous l'avez annoncé. Grande fraîcheur pour les motards, les conditions de circulation sont bonnes, mais habillez-vous, vous motards, la circulation très dense. Il y avait un point dur à hauteur du pont de Sainte-Vivienne entre la rivière Saint-Jean et la ligne droite de Quartier Français. Et puis après c'était relativement roulant, mais c'était ça il y a plus d'un quart d'heure maintenant. Et puis une circulation correcte pour aborder Saint-Denis en provenance de l'Est ou de l'Ouest. Les bouchons, les principaux, sont actuellement sur la fin de la route des Tamarins depuis quasiment l'échangeur de Plateau-Caillou. Soyez patients là-bas. Merci à vous Yves, tous les quarts d'heure on vous retrouve, bien sûr c'est la rentrée hein. D'Yves Goyer qui revient comme ça en ce lundi 22 août, bienvenue à tous, bon réveil si vous nous rejoignez en ce moment et puis bon début de journée pour ceux qui sont déjà sur les routes et vous êtes nombreux hein. Depuis ce matin, comme on vous l'a dit, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Eh bien, on va jouer dans un instant. On va jouer. Au 02 62 99 2000, vous repartirez avec votre bon de 20 euros pour acheter des fruits, des légumes ou que des fruits ou que des comme légumes. Vous voulez. Comme vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Mmh. Et juste derrière, on ira sur le marché, le petit bazar de proximité de Saint-Pierre. Exactement. Où Prisca nous attendra à tout à l'heure dès 6h20. D'ici là, le duo Singila Marc-Antoine. Ils sont KO. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Peut-être un peu comme vous au samedi matin. Mais il faut lever quand même. Hein. Allez, c'est la pêche, là. La force. Sur première, bon réveil, allez. Bonne entrée. Marco, quoi de neuf, c'est ton pote Singy. Pendant que t'es sur Paris, faut qu'on se fasse une petite sortie. Bref, tu racontes quoi depuis? Parle-moi un peu de ta vie. Et tu trouvais une chérie. Ça tombe bien que tu m'en parles, car j'entame une petite histoire. Et j'suis KO, dès le début j'suis KO. Je l'ai croisé par hasard sur le net comme ça un soir. J'suis KO, aujourd'hui j'suis KO. J'n'en peux plus. Elle a quelqu'un dans sa vie, mais avec qui elle s'ennuie? Ouais, mon pseudo c'est Lily. Quand son mec approche, elle dit qu'elle parle à une amie. Tu devrais peut-être t'en méfier, les meufs du net adorent jouer. Et t'es KO, tu déconnes mec, t'es KO. Laisse tomber ce genre d'histoire. Cherche à te poser, fais comme moi. Regarde, j'suis KO. De ma main, je suis KO. Qu'une fois, c'est triste pour lui, car il ne s'en doute même pas. Ma meuf aussi a dans squatté MSN avec une amie. J'crois que son pseudo c'est Lily. Mec, je crois que c'est toi. Il est revenu dernièrement en août avec son single Retour de Flamme. Singila en duo avec Marc-Antoine sur ce morceau. Marc-Antoine qu'on n'entend plus hein, par contre. Lui, hein. Il est vraiment KO hein, pour le coup. Ah oui, il avait Marc-Antoine. Qu'à écouter grand matin, 5h à 8h. Bah, il aurait eu la pêche. Soyez au rendez-vous, vous en tout cas, puisque là, dans un instant, on vous fait gagner votre panier fraîcheur. Exactement. Un bon de 20 euros. Ah oui. On donne le panier, mais vous allez mettre ça de petit peu dedans. Vous faites ce que vous voulez. C'est chouette. C'est ça qui est bien. Comment qu'on fait? Donc commencez à appeler. 99 2000. À tout de suite. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et au réveil, c'est Suzy qui est avec nous ce matin. Bonjour Suzy. Bonjour à vous. Suzy. Suzy Guillaume Saint-Paul. Bonjour. Comment il est Suzy? Ah, ben, comme ça tu veux. Ah, comme ça m'y veut. Ben, même c'est il lundi, veut quoi. Du café. vous lever pour aller travailler. Oui. C'est un lundi comme un autre, quoi. Suzy. Voilà, je demanderais mieux de rester au lit, mais comment c'est? Bah, il n'y est pas. Bah, nous aussi, on aurait bien aimé. Hein. Mais à 3... Bonjour Isabelle et Mickaël. Bonjour à Suzy. Suzy, voilà. La journée va bien se passer, là, c'est bien parti. Bah oui, c'est jour pour commencer. C'est déjà un bon début, hein, c'est Suzy. C'est déjà hein. pas mal. Et oui. Suzy, c'est encore mieux avec 20 euros dans la poche. Ah, merci beaucoup, oui. C'est... Ah, mais ça fait. On ouvre les yeux, on a 20 euros dans la poche. Les chouettes, hein, quand on est comme ça. Les gaillards. Ça, on va pas comprendre la voiture pour les rouler, hein. Oui, étape par étape, Suzy. Aïe, aïe, aïe. Doucement. Bon, on est ravis. Bah, levez-moi tout, ben, devant la porte. Enfin, pas vraiment dans la radio, plus, oui, hein. Oui. Parce que devant la porte, t'as pas rien. Dans non. Dans la radio, oui, ben, ma radio devant ma porte. Ah, bah voilà. Ah, bah, ok, ouais, c'est ça, alors. Là, si c'est comme ça, ça marche, Suzy. Vous repartez avec votre bon offert par les magasins Espace Fraîcheur et Réunion Première. Suzy, bisous à vous. Bisous, ma chérie. Bonne journée. Et Isabelle. À bientôt. Salut, Suzy. Allez, bye bye. Et on va vous donner la force pour vous réveiller. Ah oui, où ça te l'a besoin. Avec James. Sur Première dans le grand matin. Pour le sommet, l'aime et mon ami, la force pour les faits, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Viens là, il laisse pas moi tomber. Pour le sommet, l'aime et mon ami, la force pour les faits, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Et là, il laisse pas moi tomber. A lui-même mon protection, frère. Lui-même chemin, la lumière. Lui-même me guide à moi quand on a l'orage, quand on est dans les éclairs. Lui aide à moi, quand t'es avec le bon faux frère. Évite tout ça, mais la mauvais cœur. Monte à moi la direction. Pour éviter toute bonne faute, hein, la vie. Mais mon ali protection. Pour moi et mon famille. Tout le sommet, il aime mon ali la force. La force pour l'aider. Et là, il laisse pas moi tomber. Tous les amis, les amis, mon ami, la force. La force pour lever, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Et là, il laisse pas moi tomber. Quand il est dans le cas, quand il boit du noir, pour moi, il n'a plus de solution. Quand pour moi, tout est fait mal, comme il est en perdition. Comment faire quand faut choisir entre le cœur et la raison? Baba, il est là pour me prendre les bonnes décisions. Partout où ça m'a mis à guide mes pas. Dans mon dos, il connaît qu'il est là. Dans ton mérage, la vie, elle même mis mon temps, mais la voix. Mais tiens, mon Dieu, mais tiens, mon fort, on est tout seul, mis la foi. Mais qu'est-ce que le grand papa? Pour le sommet, l'aime, mon ami, la force. La force pour les faits, pour moi, lutter, quand pour moi, les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Pour le sommet, l'aime, mon ami, la force. La force pour les faits, pour moi, lutter. Pour moi les paroles. Et là, il laisse pas moi tomber. Souvent quand on a problème, nous le prie dans la maladie. Quand nous l'aidons la peine, les solutions nous n'appuient. Que l'on a le mal, il gangrène, qu'elle y envahit nous l'esprit. C'est là le crime, mon Dieu, pour tirer à nous dans le tracas. Souvent quand on est malheur, il vient, il touche ton famille. Quand pour moi, pas ces gars mauvais, oui, c'est la fin de la partie. Fait quand la fin, les proches, que la France nous n'appuie. C'est là le crime, mon Dieu, pour tirer nous dans la baraque. Tout le sommet, les mimes, on a dit la force. Pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Viens là, il laisse pas moi tomber. Tous les amis, les amis, mon ami, la force. La force pour lever, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Viens là, il laisse pas moi tomber. Tous les amis, les amis, mon ami, la force. La force pour lever, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Viens là, il laisse pas moi tomber. Et vous êtes bien sur Première en ce début de matinée, début de journée pour vous. Prudence sur les routes. C'était James avec la force et on file au marché. Allez. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Dans un bazar de proximité au milieu des songes, des patates douces et des ananas, il y a Prisca. C'était pas mal ça. Il y a aussi Joséphine et il y a aussi Jasmine, Monsieur Bijoux. Les restaurateurs sont déjà arrivés, ce sont les premiers clients. Nous sommes avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous avez déjà le menu, vous avez déjà défini le menu du jour Michel? Bœuf carotte et chop-suey porc. Votre restaurant, il est situé où? À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et nous avons Timarc qui a un restaurant, lui, du côté de Saint-Louis. Et Timarc est venu aussi faire son bazar ce matin. Alors Timarc, vous avez déjà défini la carte du jour. Bonjour. Bonjour. C'est à manger. En tout cas, il m'a dit qu'il y aura du boucané bringel. Ça, c'est sûr. Ah, le choix va être difficile alors, entre Michel et Marc. Carré de thon. Pourquoi ou du carreton quand on regarde les oignons là-bas? Donne-lui une idée. Alors, le thon, avec les poivrons, vous allez faire quoi? Cet époulé. Mmh. Avec le chouchou? Porc chouchou. D'accord. Avec les gros piments, ça c'est pour agrémenter tous les petits plats. Ouais. Et les carottes? Les carottes, c'est pour mettre dans les chauves-souris. Dans les chauves-souris. Et il y a Joséphine qui vous demandait si vous avez besoin de carottes. Non, de chou-fleurs. Oui, vous allez faire quoi avec les chou-fleurs? C'est pour mettre aussi dans les chauves-souris. Pour mettre aussi dans le chauves-souris. Bon, ben, si Marc, bon courage. Hein, parce qu'après les courses, il faut passer à la cuisine. C'est ça. Pour que les clients puissent passer vers... Vers 11h, 11h30, à quelle heure vous ouvrez votre restaurant? 10h30. Oui. Bon, ben ça c'est chouette. Allez, bon courage à vous. On va passer le micro à Monsieur Dijoux, c'est lui qui gère ce bazar de proximité. Et dès que je suis arrivée ce matin, oui. Il m'a montré, il m'a dit, écoutez Prisca, regarde les grosses tomates. Les grosses tomates, vous savez combien ça coûte? Combien? Non. Allez. 99 centimes. Ah oui, là, c'est imbattable. Hein. C'est moins d'un euro maintenant. Attendez, ouais, pas dit c'est un pas euro. Les soldes, hein. Attention, c'est pas les soldes. Hein. Ouais. Bonjour Monsieur Dijoux, comment ça va? Ouais. Comment on fait pour avoir la force tous trop, les jours? Hein. Bah, obligé par rapport au boulot. Oui, parce que là, vous supervisez votre équipe, mais après, vous allez dans votre exploitation de l'autre côté? Oui, pour occuper travailler là-bas. Donc, à aussi, ou plante et ou vent? Ni plante et ni vent. Ça, c'est votre slogan. Et c'est pour ça qu'on peut acheter des tomates à 99 centimes dans votre bazar. Oui. C'est ça? Ouais. Bon, ben, merci en tout cas de nous recevoir aujourd'hui, parce qu'on va rester toute la matinée, hein. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ah bah oui. Oui, moi je vais donner un coup de main aux filles là, parce que j'ai allez-y, du boulot. Allez-y avec Joséphine, Jasmine. Joséphine et Jasmine, moi je vais allez, passer Prisca, à la mettez la main à la pâte. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais faire quoi tout à l'heure là? Tout à l'heure tu vas venir avec moi faire les rayons. Ah là là. D'accord. Ah, allez rayonner. Rayonner. Je vais prendre un café et je vous retrouve tout à l'heure. D'accord. Oui, il faut un bon café là. Merci Prisca. C'est quoi le mot de passe pour 8h15? Oui, c'est quoi le mot de passe pour le panier? Le mot de passe, bah, d'après vous, c'est les grosses tomates. Grosses tomates. Grosses tomates pour la salade de tomates de ce midi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 8h15 avec la recette du jour. Mm-hmm. Et surtout, vous allez pouvoir repartir avec votre panier garni. Hey, si vous dites grosse tomate. Grosse bien sûr. Tomate. On est d'accord. Oui, merci Prisca. Salut, gros Prisca. Bisous. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et dans un instant, les routes. Exactement. Avec Yves Moyet, on fait un point avec un trafic dense, hein, forcément. Évidemment. Ici, à Juliane Peretta. I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Le son du réveil, Julian Peretta avec Lost Frequencies, Miracle, ça met en jambe Cécile. Apparemment, ouais, elle est en forme. Ça décroche un sourire, allez, c'est déjà ça. Allez, c'est déjà ça. Ouais. Depuis 5 heures, on a au moins un sourire. Non, je rigole, Cécile. Je rigole, Cécile est souriante dès le matin. Bah oui. C'est vraiment faux ce que j'ai. Bah oui. Bon, méchant, Mickaël, méchant. Ouais. Tapez-moi. Allez, voilà, c'est fait. C'est fait. On va sur les routes avec Yves. Et vous êtes à Saint-Benoît, Yves. Il y aura des travaux ce soir, une nouvelle fois, avec les enrobés de tapis final, normalement, donc entre Saint-Benoît jusqu'à Pagnandi, la circulation sera déviée, hein, donc par l'ancienne nationale, en rejoignant et traversant la rivière des Roches et Brapanon. La circulation est correcte ici, attention très dense à hauteur de Saint-André vers le petit bazar, donc circulation un peu plus dure à ce niveau, soyez patient, prudent pour passer cette zone, le montée de Bel Air et puis le plateau de Chassagne, la circulation assez chargée également sur le plateau de la Mare, donc avant de redescendre sur une entrée est de Saint-Denis plutôt roulante, ça coince sous le tunnel du Cap Bernard à l'entrée ouest de Saint-Denis. Et surtout depuis la fin du tunnel du Cap Laoussé, donc déjà de gros embouteillages en ce lundi matin. Donc oui, c'est la grosse rentrée là, donc en cette semaine. Tous les marmailles sont en cours pour ce matin, donc c'est difficile. Il va falloir être patient donc pour passer tout ce tronçon de cette fin de route des Tamarins et toute la partie route digue jusqu'au pont de la rivière des Galets. Prudence, patience, et puis on attend des nouvelles de ce rocher de Tilaos au niveau de l'Étalcide. À tout à l'heure. Merci beaucoup Yves Gruyer. 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Est-il possible d'emmener de la viande de la Réunion dans ses valises direction la métropole? La question s'est posée hier à l'aéroport Roland-Garros. Deux compagnies l'ont interdit le matin, mais cette même mesure a disparu en cours de journée. Une décision sur fond de fièvre afteuse, explication dans ce journal. Des scooters trop rapides, trop dangereux, les assureurs s'associent à la préfecture pour communiquer sur le sujet en cas d'accident. Les conséquences peuvent être très graves, nous l'entendrons. Ils prennent le bus matin et soir avec les élèves, les accompagnateurs sont nécessaires, c'est aussi un budget pour les collectivités. Et puis pas d'or olympique pour Daniel Narcisse en handball, les experts se sont inclinés face au Danemark hier en finale. Reportage à la fin de cette édition. Retour donc ce matin sur le cafouillage qui a perturbé hier matin des voyageurs à l'aéroport Roland-Garros. Deux compagnies aériennes ont interdit aux passagers d'embarquer avec de la viande. Des passagers qui devaient s'envoler pour la métropole, les saucisses et autres boucanés ont dû rester au sol. Dans la journée, il a été confirmé qu'aucune directive dans ce sens n'avait été donnée par la préfecture. Il se trouve tout de même que l'importation de viande est particulièrement surveillée à cause de la fièvre afteuse qui sévit à Maurice et Rodrigue. On le sait, nombreux sont ceux qui aiment ramener en métropole des saucisses fraîches pour faire un rougail au goût pays, même à Paris. L'interdiction en vigueur hier matin suscite de grandes réactions au marché du Chautron. Le reportage de Priscilla Etève. Même à 10 000 km de son île, Béa, installée en métropole depuis 31 ans, ne peut pas se passer de la cuisine créole. Alors, quand cette Saint-Andréenne en a l'occasion, elle fait le plein de produits pays. Mais samedi, elle pourrait reprendre l'avion sans. Une nouvelle qu'elle a du mal à digérer. Tous les 3 ans, il t'emmène mon saucisse, mon boucané, mon bichic. Mais là, il gagne plus. Moi, il y en a un petit garçon là-bas. Il attend son rougail saucisse. Alors là, il ne faut pas que ça me s'apporte tout bien. Cette fois, Anise n'a pas prévu de ramener saucisse, boucané ou andouilles dans ses valises. Mais quand même, elle ne comprend pas. Si c'est en dessous, tu vois pas où est le problème. Et puis, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi il y aurait un problème aujourd'hui de ramener ça, quoi? À ce moment-là, je pense que c'est quand même à eux un petit peu de voir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Des consommateurs déçus et débouchés comme Michel Alagama, déjà inquiet pour leur vente. Pas juste, nous perdons des clients aussi, tout rayonné, voyage, d'habitude, ils amènent les saucisses, boucanées, ils amènent pire, quoi. Je crois un grand perte pour la Réunion. Hein. Rudy, vendeur de samoussa, nem et bonbons piment, est partagé sur cette mesure préventive. Tout ce qui dit alimentation, il faut faire attention avec les maladies et tout. Oui, nous comprend, mais après, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution à ça? Ne posez-nous des questions à ça. En attendant des réponses, le manque à gagner pourrait être inévitable, jusqu'à moins 20% pour certains artisans. Un reportage de Priscilla Etève, les risques liés à la fièvre afteuse et les précautions à prendre. On y revient ce matin. Loïse de Valicourt, chef du service alimentation à la DAF, sera l'invitée de la matinale. Elle répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. Attention sur la route ce matin, le week-end a été marqué par de graves accidents dans l'Ouest. Samedi soir à Saint-Gilles, une collision frontale entre un 4x4 et un autre véhicule a fait 2 blessés graves et 2 blessés légers. La conductrice du 4x4 était alcoolisée. Elle avait déjà été condamnée pour avoir conduit après avoir bu. Et puis hier matin, très tôt, une collision frontale a fait 7 blessés. 2 d'entre eux sont dans un état très grave. En revanche, les contrôles d'alcoolémie se sont révélés négatifs. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du choc. De nombreux contrôles routiers étaient organisés ce week-end pour inciter à la prudence. Eh bien, encore 17 permis de conduire ont été retirés. Et c'est aujourd'hui que débute une campagne d'affichage à destination des conducteurs de scooters. Une campagne à retrouver sur les bus dans plusieurs communes de l'île. Il s'agit de les sensibiliser les conducteurs de scooters au risque du débridage. Des accidents souvent dus à une vitesse excessive sur des engins sont constatés dont la vitesse maximale a été modifiée. C'est formellement interdit par la loi. Les compagnies d'assurance préviennent en cas d'accident subi ou causé par un scooter débridé. Les conséquences sont toujours compliquées. Florence Sesmat est la présidente du comité des assureurs Réunion-Mayotte. double conséquence. Évidemment, la première, c'est de se retrouver soit victime, soit responsable d'un accident avec dommages corporels graves pour elle-même et pour d'autres personnes autour. Et puis, du point de vue des assureurs, financièrement, le risque que, s'ils sont assurés, que le contrat ne fonctionne pas, ne prenne pas en charge les dommages et qu'on se retourne soit nous, soit le fonds de garantie des assurances obligatoires sur le responsable en fait du sinistre pour se faire rembourser pendant le temps qu'il faudra, des fois toute une vie, des dommages corporels causés par la personne, par le jeune souvent. Soit le jeune, soit souvent les parents, en tout cas là où il y a de l'argent, on va le chercher. En tout cas, c'est toujours des situations très difficiles à gérer. Florence Esmat, présidente du comité des assureurs Réunion Mayotte, répondait à Stéphane et Nil Aurac. Et côté répression, tout contrevenant s'expose à une amende de 135 euros. Commercialiser des kits de débridage est passible d'une amende de 30 000 euros et de 2 ans d'emprisonnement. Le débridage des scooters, on en parle ce midi, ce sera le thème de C'est dans l'actu. Avec Philippe Dornier et ses invités, rendez-vous dès midi 15 sur Réunion Première. On s'intéresse ce matin au transport scolaire, un transport qui coûte de plus en plus cher, 15 millions d'euros rien que pour les 5 communes de l'Ouest que gère le TCO. 210 bus sont en circulation chaque jour pour acheminer les élèves en classe et les ramener chez eux après les cours. Dans ces véhicules, il y a aussi des accompagnateurs. C'est l'association Get974 qui a remporté ce marché. 65 personnes sont mobilisées donc sur le territoire du TCO. Elles sont chargées de compter les élèves, sécuriser les abords du car lors des montées et des descentes ou encore de réaliser la revue du véhicule chaque semaine, vérifier les ceintures de sécurité, les trousses de secours et les extincteurs. C'est un poste important pour la communauté de communes. Le budget pour les accompagnateurs est de 3 millions d'euros. Daniel Thébault est le directeur des transports. On a passé pratiquement depuis la création du TCO des marchés, des contrats avec le Get 974 pour des missions d'accompagnement scolaire, essentiellement pour accompagner les enfants de maternelle dans les bus. On recherche une présence physique pour sécuriser principalement ces petits enfants que les parents nous confient pour le trajet. Avec les attentats qu'il y a eu, quelque chose a changé au point de vue sécurité dans les bus? À notre niveau, on peut pas dire véritablement qu'on ait changé quoi que ce soit. On est un petit peu plus vigilant, mais globalement, on n'a rien changé. Daniel Thébault, directeur des transports au TCO, interrogé par Hubert Debeu. Marcher contre le diabète, cela fait 18 ans que la Mutualité de la Réunion organise sa marche pour sensibiliser à ce fléau qui touche de nombreux Réunionnais, 3500 participants. 3 parcours étaient proposés à l'étang salé. Il y avait au départ et à l'arrivée de nombreux stands d'informations sur le thème de la prévention solaire, en vue notamment de l'éclipse du 1er septembre et de l'échange intergénérationnel. Un espace était réservé aux échanges donc entre jeunes et moins jeunes. Stéphane et Nil Aurac l'a visité. La course Goni, la roue, la moque, Jean anime le stand bénévolement. Moi je suis content de perpétuer cette tradition. Un certain nombre de moques rangées et avec les 3 boules il faut éliminer tout. Voilà, joli. Voilà, madame a lancé déjà 2 boules. Je vais replacer vite fait. Maintenant on va laisser la place aux jeunes. C'est un jeu longtemps mais Diane, 10 ans, est conquis. Super. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour jouer ce jeu-là? Avoir de la précision. Il a réussi à bien viser là-dedans? Pas trop. Il en restait 2. Le jeune Saint-Leuzien pourra demander conseil à ses aïeux, entre autres questions. Je demande qu'est-ce qu'ils ont fait avant, quand ils étaient jeunes. Et c'est intéressant? Oui. Ils n'étaient pas comme nous aujourd'hui. Et toi, tu préfères les jeux longtemps ou les jeux de maintenant? Les jeux longtemps. Le Dionysien Pierre, 9 ans, découvre quant à lui les joies du sac de jute. On doit rentrer dans un sac... On appelle ça Goni. De Goni. On doit avancer en sautant. Tu préfères quoi entre la chasse au Pokémon et ça? Bah, c'est moyen. Hein. Les deux sont moyens. À côté, pour ramener un souvenir de cette journée, un stand de photos de famille. On est l'équipe de Brapano. Ils ont la paramène des petits-enfants, tout ça, exact? Mais il y en a des petits-enfants dans le corps, il est plein, rien qu'avec des petits-enfants. Pour le moment, on fait nous tout seuls, mais après, ce sera eux. Et oui, honneur aux anciens, ou presque. J'aurai 19 ans le 19. Je joue à la fête à Salène. Allez. Moi, c'est Ginette. Après Ginette, un bonheur en argent pour le handball français. Elle aura échappé aux 2 équipes, féminines et masculines, en finale du tournoi olympique à Rio. Hier soir, Daniel Narcisse et ses coéquipiers se sont inclinés face au Danemark 26 à 28. L'impression pour les joueurs de voir tout le travail des derniers mois tomber à l'eau. Même si l'argent, c'est pas si mal. À Rio, l'un de nos envoyés spéciaux, Martin Baumer. Malheureusement, ce n'est pas la Marseillaise, mais l'hymne danois que l'on a entendu résonner à Rio pour la dernière fois. Triste mine pour le Réunionnais Daniel Narcisse. On a l'impression que tout s'écroule. Quand on travaille comme on l'a fait depuis 2 mois maintenant, ben, c'est pour aller chercher autre chose aujourd'hui. Avec cette victoire, le Danemark est devenu la première équipe depuis 1993 à battre l'équipe de France dans une finale internationale. De quoi grandir encore pour le Martiniquais Cédric Sorando. Il faut savoir perdre. À un certain moment, je pense qu'on doit grandir à travers nos défaites. Il faut juste en tirer une leçon et se focaliser sur ce qui viendra très bientôt. Car jusque-là, la France avait remporté ses 8 dernières finales. L'entraîneur adjoint, le Guadeloupéen, Didier Dinard. Pour perdre une finale, il faut y arriver. Donc, l'équipe de France a quand même su arriver en finale des Jeux Olympiques. Donc c'est quand même un très très bon résultat. Une défaite au goût amer toutefois pour l'autre Martiniquais, Mathieu Grébille, blessé au pied et forfait pour cette finale. C'est vrai qu'on se retrouve impuissant, donc c'était dur voilà, de les voir en difficulté. Maintenant, je les félicite parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout et qu'encore une fois, ils ont fait un parcours extraordinaire. Et malgré la déception, tous ont reconnu très fair play la supériorité du Danemark. Ils ont été meilleurs que nous, il faut les féliciter. Cette équipe de Danemark a joué beaucoup mieux que nous aujourd'hui. Donc en gros, ils n'ont pas démérité. Et ce sont donc deux médailles d'argent avant la clôture des JO. La cérémonie avait lieu ce matin après une dernière médaille d'or pour la France en boxe pour Tony Yoka. Prochain jeu d'été à Tokyo. Les jeux d'hiver auront lieu en 2018 en Corée du Sud à Pyeongchang. J'ai 2 ans pour parfaire ma prononciation. Vous tous d'ailleurs. Ça sera fait. Merci Cécile. 6h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Quelques chiffres dans cette météo, Michael. 2, 3 degrés sur la plaine des Cafres, 16 sur Saint-Denis. Pas plus. On vole pas bien haut. Là, hein. En dessous des normales de saison. Alors pas partout, parce que par exemple il fait un peu plus de 19 degrés au port, on se réveille ce matin avec un peu plus de douceur dans l'ouest de l'île, mais partout ailleurs c'est quand même frais. Mmh. Frais aussi dans les cirques, frais au tampon, à la plaine des Cafres, ainsi que sur le Maïdo. Alors l'avantage c'est qu'on a du soleil, même si on a un petit peu de bruine là sur les hauts du nord qui donne allez, une ou deux gouttes. Enfin partout ailleurs c'est vraiment du soleil qui va s'imposer, un soleil qui sera un petit peu moins imposant cet après-midi avec des nuages en montagne. Notamment dans l'ouest et le sud, avec pourquoi pas quelques averses sur les Mâcs et le Tampon, de l'autre côté du Barachois à Sainte-Rose, des éclaircies ainsi qu'en volcan, dans les cirques et dans une moindre mesure au Maïdo. Toujours du vent sur le nord et le sud, 30-40 km/h, et des températures qui grimperont cet après-midi de 15 à 26 degrés, 15 au volcan et 26 à Saint-Gilles. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on rejoint Yves Gruyer dans l'Est, du côté de la Cocoteresse. C'est à vous Yves. Le soleil est bien levé avec un disque tout orange ce matin. Attention les embouteillages, si ça roule correctement de Saint-Benoît jusqu'à Saint-André, ça coince moins d'un kilomètre après cet échangeur de la Cocoteresse, celui qui sort donc de l'échangeur de la gare. Et donc une circulation difficile pour rejoindre Sainte-Suzanne. Rejoindre également ensuite Sainte-Marie dans un premier temps, puisque ça roule quand même encore du côté du parc à ligne droite de la Jamaïque et l'accès au front de mer de Saint-Denis, un peu de monde en fin de l'Ancastel. Entrée ouest toujours sous le tunnel du Cap Bernard, pas de circulation trop compliquée sur la route du littoral pour le moment, mais le trafic est très dense. Et puis ça coince toujours juste à la sortie du tunnel du Cap Laousset. Je vous rappelle qu'un rocher s'est détaché de la falaise, secteur Ilet Alcide, c'est cette zone de pique-nique qui se situe après Ilet à Furcy et avant Petit Serré. Donc la circulation se fait avec un alternat pour le moment, en attendant le dégagement de ce bloc rocheux. Restez prudents à ce niveau. Les conditions de circulation sont très bonnes, il fait beau partout. Merci beaucoup Évrier, rendez-vous dans un petit quart d'heure. Et bienvenue, si vous nous rejoignez en ce moment, bon début de journée avec nous jusqu'à 8h, c'est grand matin, vous y êtes habitué maintenant depuis lundi dernier. Exact. Lundi où on est rentré, avant les autres, puisque c'était jour férié. Mais c'est un plaisir de vous accompagner chaque matin. Alors, comme tous les matins, depuis lundi dernier justement, vous avez votre petite photo à poster quand vous prenez votre petit déjeuner. Oui. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais enfin, à la fin de la semaine, c'est quand même l'hôtel peut-être pour vous. Hôtel exactement, en 3 étoiles. On se souvient que vendredi dernier, c'est Anaïs qui est reparti avec ses invitations. Une invitation pour deux, pour une nuit, dans un hôtel du Sud. 3 étoiles avec le petit-déj. Si vous avez envie, vous aussi, de participer, peut-être gagner. Petite photo sur la page Facebook Grand Matin avec votre petit déjeuner. Et en plus, vous repartez peut-être avec des places de cinéma. Voilà, si tu veux, ça fait beaucoup pour un tasse-café. Quoi. Le meilleur de la journée repartira de toute façon avec ses places de cinéma avant 8h, à condition de poster une petite photo. Vous êtes en groupe, vous êtes au travail, vous faites des petits déjeuners insolites, je ne sais pas où. Dans votre camion. Au sommet du Piton des Neiges. Voilà. Allez-y, postez sur la page Grand Matin. En même temps, likez la page Grand Matin. Qu'est-ce qui est à suivre? Eh bien, avant 7h, on ira bien sûr réveiller la Réunion, comme d'hab. Exactement. On a réveillé la radio la semaine dernière. Oui, parce que c'était la rentrée. On va réveiller la télévision cette fois. puisque c'est la rentrée cette semaine pour la télévision. On ira chez Jean-Marc Olienne et Rokaya. D'accord. Tout à l'heure, on tentera de les réveiller. On va voir si Bonnay réveille Bonheur ou bien s'il dort même. Peut-être pas si simple que ça. On va voir ça. Les unes de la presse à 6h50. Et d'ici là, c'est le Zambrocal quotidien du Lecce. Exactement. Et on revient et bien sûr le dimanche en famille, la case maman, la case mémé. Mais attention, ça vient de plus en plus compliqué pour mémé de fait cuit manger. On vous explique pourquoi. Dimanche, c'est le traditionnel repas de famille chez mémé. Le moment de faire un point sur les ladilafés de la semaine avec tout le bain de tonton et ma tante. Histoire de vérifier si fille madame Intel est vraiment enceinte alors que Inanna a 16 ans et que son papa l'est la geôle. Et alors que ma tante Josiane y trouve que « Franchement, ben jeune comme elle n'a plus respect pour notre famille », mémé y crie pour la cinquième fois « Maman, mangez-les sur la table !» En tant que célibataire dont les capacités culinaires sont restées au même stade depuis l'époque de la fac, c'est le moment clé de ma semaine. Missa enfin mange correctement. L'ami garde avec admiration tout ben plat nena sur la table. Même le riz a l'air meilleur que quand il fait chez moi. Mais depuis quelques années, ma remarque a une affaire bizarre chez mémé. À force, la famille y a grandi et que ben zonk, tante, cousin, cousine la ramène ben pièce rapporter sa case, mémé l'a dû adapter son ben plat. Entre cet il mange pas bœuf, cet il mange pas cabri, il mange pas poisson, il mange pas porc, il mange pas volaille, la commence nu compliqué fait un repas de famille, oui. Du coup, qu'on ça mémé fait 5 caries différents adaptés au goût de chacun. Vive le multiculturalisme de la Réunion. Mon enfant, on veut encore un peu cabri massalé? Non mémé, moi il mange pas cabri, moi, ça c'est l'autre cousin, il mange ça. Ah pardon, on veut le civet coq ou bien le rougail saucisse? Vous êtes tiré en azote compte de la quantité de travail que vous êtes donne forme là? Vous avez tué mon mémé avant l'heure avec un régime alimentaire, il accorde pas. Mais ma trouve à moi aussi dans la même situation mémé quand m'a voulu invite mon ben camarade de la case. Entre cet il mange pas porc, cet il mange pas volaille, cet il mange pas bœuf, effectivement m'était emmerdé. Mais comme il est plus paresse que mémé, ma préfère cherche un plat que tout de monde t'ait mange. Le affaires la demande à moins 5 jours de réflexion. Vous êtes connaît que ça m'a fini par fait? Un gratin citrouille marmaille. Et là, forcément, quand m'a présente le plat, un camarade diable la garde son assiette et la dit à moi, t'es le frère, ou te l'entrée est correct, mais qu'il est carré, n'a point la viande quoi. Non, c'est ça le plat principal. Forcément, il a fait à moi la gueule. Mais plus étonnant encore, mon camarade végétarien aussi. Quoi l'a fait Véronique? Le gratin plaît pas ou quoi? Mais jure, on n'a pas la viande dedans, hein, on peut manger. Ah non, mais maintenant, m'a décidé de faire un régime vegan, m'y prend plus de lait ni de gluten, et béchamel n'est pas avec de lait soja, m'y peut pas manger. Ah ouais, alors à ou vaut mieux m'y présente pas ou mon mémé, parce que si m'y commence expliquer conseiller le régime vegan, m'a peur que vieux formulaire tombe syncope. On est mal embarqué. C'est vrai que ça casse la tête des fois. Un peu. Qu'est-ce qu'on mange pas ou rien. C'est vrai, je mange tout. Ouais, je mange tout, quasiment. Non. Ouais, si. Cabri. Cabri, un lapin. Peu. Un peu. Bon, ah, après, un peu, c'est non. Il y a des plats qu'on mange moins. Il y a des viandes qu'on mange moins, c'est sûr. Non, tu fionnes. Ouais. Un peu, ça compte comme non. Tu es bon, non. Il n'est pas trop difficile, quoi. Bon, tant mieux. Le Lecce revient entre 16h et 18h chez David dans le oui, bon cet tempo. Après-midi. À tout de suite. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Avant les unes de la presse de Cécile Thomas, 6h50, voici Daniel Warraud, La mauvaise réputation. Dans mon quartier, papa fait le fion, nena école si moi en couillon. Mon patate, mon savate, d'oiseau, tu prends moi pour un fatra. Où les siens, moi, mon mien, vas pas personne. Mi vend mon bazar, sous un cousin. So man de mon n'yem pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train outré. Non, va de mon n'yem pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train outré. Tout de mon y bat la langue là. Pas bon parle pas, je t'y gagne pas. Le jour la fête 14, il est mis t'attendais si mon zoye. Zot musique en la met la loi, à moi moi la parle avec ça. Où les siens moi mon mien vas pas personne. Qu'en m'y accoute pas, zot clairon quand il sonne. Souvent du monde n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train au tué. Non va du monde n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train au tué. Domounia monte à moins le doigt. Par que la mouillon, l'ina point le bras. Quand mi ouais demi sa poublé, pourquoi des yens volé le ventre les creux? Mi passe un calou au bon Dieu Seigneur, demi sa poublé, y pète à terre. Pour les siens, moi, moun, y'en val pas personne. Qu'aime la quitte sa paix voler un concombre. Moun n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train au tué. Non va tout moun n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train au tué. Tout moun y saute si moins baya. Ban gongon ki, zoti gagne pas. Pas besoin ou l'en grand swami, pour zoti ve bat mon mari. Rodin kot, oui zot n'aurait de goup, en a moins met à moins d'un trou. Laissez moi mon n'en val pas personne. Mi film pas à mal, mi papa le rhum. Somme du monde n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans. Daniel Waro qui s'invite lui aussi dans la matinale. Il a bien raison, la mauvaise réputation. Un titre qui date de 1952, adapté par Daniel Waro. Et à la bonne réputation, il est avec nous pour les unes de la presse. 6h50, aïe, Cécile aïe, aïe. Nous a rejoint. On jette un coup d'œil au quotidien pour commencer. Et notez bien que ce matin, tous les journaux, qu'ils soient locaux ou nationaux, ont un petit air de l'équipe du sport sur toutes les unes, avec la fin des JO de Rio. Et le quotidien n'y échappe pas. Daniel Narcisse en photo, au sol, à l'image de l'équipe de France de handball, battue par le Danemark en finale du tournoi olympique. Vaincu mais glorieux, titre le quotidien. Le hand français se contente de l'argent. Record de médailles pour les Bleus à ces JO sud-américains. Autre titre à l'île Sainte-Marie à Madagascar. Deux coopérants tués sur une plage. Politique, nouvelle leader du LPA, Karine Nebenessa, est en guerre contre les gaspillages. Équithérapie à Saint-André, le cheval guérisseur, écrit le journal. Et puis, enfant kamikaze en Turquie. 51 morts dans un mariage. Le hand aussi en une du journal de Lille. La France en argent, la fin d'un règne, titre le GIR. Le Danemark a réalisé un exploit considérable en stoppant l'hégémonie des Français, écrit le journal. Autre titre emploi, Adecco peine à recruter des cadres pays. Collision à Saint-Gilles, toujours deux jeunes entre la vie et la mort. À Saint-Pierre, Loïc Prunière ordonné prêtre dans la ferveur, écrit le GIR. Et puis, route du littoral, une méga carrière dans les Hauts-de-Saint-André. Dans la presse nationale, un couple en or, en une d'aujourd'hui en France. Comme sa compagne Estelle Mosseli, vendredi, le Français Tony Yoka a décroché hier l'or en boxe, apportant une 42e et dernière médaille au tricolore. On peut voir les deux champions enlacés dans un drapeau tricolore. Autre titre, prêt immobilier, la banque a une surprise pour vous. Les taux d'intérêt ont encore baissé et un rendez-vous de renégociation avec votre banquier peut vous rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah. Les conseils d'aujourd'hui en France à lire ce matin. Les JO aussi en une du Figaro. Avec un record de médailles pour la France à Rio, avec 42 médailles glanées, dont celle en or d'Estelle Mosseli en boxe, les sportifs tricolores ont fait mieux qu'en 2008 à Pékin, grâce à une deuxième semaine pleine d'enthousiasme et de bonnes surprises. Autre titre, Montebourg, Duflo, Hamon, tous contre Hollande. Après de 8 mois de la présidentielle, le chef de l'État sortant est encerclé par de plus en plus de candidats qui tous, en ordre dispersé, critiquent fortement sa politique et son bilan. De la boxe et de la politique en une de Libération. Même inspiration effectivement pour Libé. JO, point final, comme un coup de poing de Tony Yoka. Ultime médaillé d'or des Bleus hier. Hamon, Duflo, Montebourg, les mêmes dans le désordre. La gauche s'éclate, titre Libé. À 5 mois de la primaire, la candidature d'Arnaud Montebourg marque le début d'une campagne en ordre dispersé. Et enfin, un édito en forme de conclusion au JO en une de l'équipe. Un édito et une belle photo, celle que l'on retrouve dans pas mal de vos journaux aujourd'hui. Tony Yoka et sa compagne Estelle Mosseli dans les bras l'un de l'autre. Ils sont tous deux médaillés d'or en boxe. Ils se marieront à la fin de l'année, voilà pour le potin. Et du coup, le grand titre de l'équipe ce matin, eh bien, c'est le grand bonheur. Et c'est ce qu'on vous souhaite aussi ce matin. Et on leur souhaite aussi à eux aussi. Merci Cécile, à tout à l'heure, 7h30 pour le journal. Et avant cela, ça sera Florent, enfin Maro à 7h. Michael, Isabelle. Ça va? Oui, et vous? Oui. J'ai bien envie de réveiller du monde ce matin, moi. On va comme réveiller ça, la là. Réunion. Hein, on va réveiller la Réunion, on le dit souvent à cette heure-là, 6h54. Oh bah c'est l'heure, là. C'est l'heure de l'appel réveil. Oui. On va réveiller la télé. Pourquoi pas? Ouais. Ça vous dit ou pas? Ouais, pourquoi pas. Allez, un journaliste? Par exemple. Allez. Si on réveillait Jean-Marc Ollier. Jean-Marc. Allez. Est-ce que Jean-Marc va nous répondre? Jean-Marc, il dort pas. Mais il dort pas. Ah, ah ben il dort pas. Bonjour Salut Jean-Marc. Bonjour. Ça va quand même. Ça y est, c'est la rentrée. Hein. Les vacances se sont bien passées, Jean-Marc. Bonnes vacances, bien en forme pour reprendre. Et donc voilà, c'est parti. Bon, bah allez, c'est parti, un bon café. Et on reprend le chemin de la télévision. Ce soir dans le plus, avec Valérie Philin. Voilà, on reprend cette séquence qu'on avait lancée au mois de janvier. L'idée, chaque jour, expliquer, décortiquer un fait d'actualité. Je serai en plateau tous les soirs avec Valérie Philin. Donc, c'est vraiment cette idée de prendre le temps d'expliquer un fait d'actualité, voilà, avec de l'infographie, avec des éléments d'image. Et voilà, je suis très content de reprendre cette séquence qui, je pense, a apporté un plus, comme son nom l'indique, au journal. Et comment est-ce que l'on décide l'info qui va être développée, qui fera l'objet de ce plus, Jean-Marc ? C'est comme tout, le contenu du journal. Bon, c'est un travail d'équipe. Le matin, on se retrouve en conférence de rédaction et on en discute ensemble avec l'équipe l'ensemble des journalistes. Et puis il y a tout un travail toute la journée pour effectivement trouver des infos, écrire la rubrique, trouver des illustrations. Voilà, c'est tout un travail mine de rien pour sortir cette rubrique tous les soirs. Voilà, c'est le travail d'une journée. Mais ça se décide en équipe. En général, on essaie de trouver quelque chose, évidemment un fait qui est en rapport avec l'actualité du jour. Je ne vais même pas vous dire avec certitude ce que ce sera ce soir. Ce soir, pas encore. Donc. Voilà. Par exemple, ce soir, il est possible que ce soit autour de la rentrée universitaire qui a lieu aujourd'hui. Mais comme tout le journal, il se fait tous les jours et il évolue toujours jusqu'à la dernière minute et en fonction de l'actualité. Donc voilà, c'est à découvrir ce soir. Sur Facebook, vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur le plus du 19h. Voilà. Alors, il y a une page Facebook le plus, effectivement. Et puis sur le site de Radio de Réunion Première également, on annonce dans la journée le thème du jour. On peut revisionner dès le lendemain la rubrique, donc effectivement c'est aussi une rubrique qui est présente sur les réseaux sociaux. Et puis Jean-Marc, on vous retrouvera aussi dans la vie réunionnaise, une vie réunionnaise. Oui, je suis très heureux de pouvoir poursuivre également une vie réunionnaise. Des grands documentaires sur des personnalités de la Réunion dont on raconte la vie. Là on a une très belle émission qui est en préparation et qui sera présentée les prochaines semaines sur Oussano Sava. Il y a également la famille Joron. Voilà, toute la saga effectivement familiale de la famille Joron. Jacqueline Farrerol également sera en préparation pour les prochains mois. Je suis très heureux également de vous retrouver dans ce rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la rentrée, Jean-Marc ? D'avoir la paix, d'être en forme, de pouvoir, et puis avec toutes les équipes, parce qu'il y a pas rien qui reprend le 12h30, il y a Valérie Philin qui reprend le 19h, Émilie de Valman sur le week-end. Donc voilà, on est prêt à vous offrir le meilleur possible, la formation avec toutes les équipes de Réunion Première. Allez Jean-Marc, on se réveille et puis on nous rejoint. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, bonne journée à tous. Merci Jean-Marc. Beaucoup Jean-Marc Collier. À plus tard. Et oui, effectivement, tout le monde reprend. Rokhaya sera là aussi dans 10 mois tout. On n'a pas réussi à la réveiller, Rokhaya. Il dort. Il dort encore. Rokhaya, c'est juste après 11h. Exactement, avec évidemment plein de sujets de société qui seront discutés avec en plateau un spécialiste et des invités. Et puis bien sûr, émission événement qui va aussi reprendre. Mariage. Bah oui. Émission mariage. Bah oui, l'émission mariage. Rokhaya. Voilà. Forcément. Bah oui, ça l'amour va reprendre. L'amour les doux. Voilà, on vous présentera évidemment les différents couples bientôt. Allons chanter ce soir 18h30. Et puis là, en ce moment, Claudio dans la case, dès 7h sur Réunion Première. Allez, on file sur l'hippodrome de Clairefontaine aujourd'hui. Tire ses cartes et quintes et plus, vas-y courir. Exactement, ce sera le prix de la Côte Fleurie. 18 partants, 2400 mètres à parcourir, 4 millions d'euros dans la tirelire. Les pronostics de Pascal Maillot. Elle vous conseille le 9, le 13, le 2, le 7, le 10, le 3, le 6, le 12. 9, 13, 2, 7, 10, 3, 6, 12. En cas de non partant, le 17. Pour votre quintet cet après-midi à Clairefontaine, n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons. Responsable. Sans plus attendre, direction les routes avec Yves Grouillet pour un point trafic avant 7h. Il est au bocage, Yves. Je parlais tout à l'heure de ce point dur que j'avais aperçu en partant vers Saint-Benoît tout à l'heure et en revenant. Donc confirmation, j'avais eu une information comme quoi il y avait eu une perte de contrôle. Une perte de contrôle qui a dû se produire dans la nuit, donc juste avant le pont de Sainte-Vivienne, donc avant la sortie de quartier français en direction du nord. Eh bien, un véhicule dans le fossé abandonné, donc il y a trois cônes qui sont là, donc la patrouille a dû passer dans la nuit. Mais le CRGP arrêté n'était pas au courant. Donc la circulation est forcément donc ralentie due à la curiosité. Donc les embouteillages sur près de 2,5 km entre la Cocoteraie et Petit Bazar jusqu'à ce niveau. Puis après, c'est roulant pour atteindre l'échangeur de la Marine. Après, ça recoince un peu jusqu'au plateau de la Mare. Ça redescend à peu près normalement après du parc jusqu'au front de mer de Saint-Denis. L'entrée ouest, attention, le ralentissement démarre au niveau de Ravinajac, c'est-à-dire juste 1 km après la grande chaloupe actuellement. Le pont Vinsan encombré de moitié en direction du centre-ville. Et puis, vous êtes toujours ralenti et sorti du tunnel du Cap Laoussé pour la fin de la route des Tamarins. En ce qui concerne le littoral ouest, pour le moment, c'est encore roulant si vous allez vers le Cap Laoussé. Merci beaucoup Yves Gruyer, rendez-vous après le journal, 7h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Encore un accident hier à Saint-Gilles, une collision frontale entre deux voitures à carrosse, bilan 7 blessés. Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé négatif, des contrôles encore nombreux ce week-end sur nos routes. On parlera des scooters débridés dans ce journal. Peut-on emporter de la viande pays dans ses valises? Aucune interdiction n'a été émise par la préfecture, mais hier, deux compagnies ont empêché les passagers d'embarquer avec ces denrées alimentaires avant de se rétracter. Explication à suivre. Plusieurs milliers de fidèles ont assisté hier à l'ordination du père Loïc Prunière à la Ravine des Cabris. À 30 ans, il devient le 50e prêtre à être ordonné à La Réunion. Et puis en handball, pas de triplé pour les experts aux Jeux Olympiques. En football, nous reviendrons sur les 8e de finale de la Coupe Régionale de France. À tous les résultats à la fin de cette édition. L'accident a eu lieu un peu avant 6h30 hier à Carrosse, du côté de Saint-Gilles. Deux voitures sont entrées en collision. Un choc frontal extrêmement violent. Bilan, 7 blessés, dont 2 dans un état grave. Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé négatif. Elle, en revanche, avait bu. La conductrice du 4x4 qui a heurté une voiture samedi, toujours à Saint-Gilles, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Bilan, 4 blessés. La conductrice du 4x4 avait déjà été condamnée pour conduite en état d'ivresse. Elle doit être déférée aujourd'hui au parquet de Saint-Denis. Deux accidents, donc coup sur coup à Saint-Gilles, malgré la forte présence policière ce week-end sur nos routes. Une centaine d'infractions ont d'ailleurs été relevées sur toute l'île. Cette semaine, ce sont les scooters qui seront dans le collimateur des forces de l'ordre et plus particulièrement les machines débridées, une pratique courante dans le département et pourtant interdite et passible d'une amende de 135 €. Une campagne de sensibilisation démarre aujourd'hui, une campagne qui ne semble pas inquiéter certains usagers de ce genre d'engin. Stéphane Eninorak est allé à leur rencontre. Écoute. Comment est moto IPUL, comment ? La poudre, il monte en bas d'origine. Jean-Louis, la vingtaine, est fier de sa monture. D'origine, pas à tout, réglage simplement. Réglage bi dans le bon embrayage avec un pot. Pot GP Evo 2, transmission double 14, je m'y précise bien, double 14. Les forces de l'ordre, ça ne l'inquiète pas. Comme un héros de Pouni, nous fuit les autres. Nous les plumes à l'exode, nous n'a un pas d'avance aux autres, oublie pas ça la loi. Et quand lui. L'exode, nous n'a un pas d'avance aux autres, oublie pas ça la loi. Et quand lui ou un autre. Il nous amende pour ça ? Non plus. Un peu plus âgé, Gros Mal tente lui aussi de justifier les débridages de scooters. Le scooter, c'est un truc qui est fait pour rouler en ville. Donc, logiquement, on en avait plus 50. Voilà, en ville, c'est avec la société qui construit ça. Pour que ça, tu fais un truc, alors qu'en fin de compte, le moto lui-même dit ça va plus que ça. À zone de créer un truc, et vraiment, il arrête à là. Ben là, ils vendent ces pièces-là. Si on disait, ils vendent ces pièces-là pour la compétition, en fin de compte, ils vendent ça en vente libre. Avant, contrôle à nous, là, contrôle au magasin. Est-ce que les responsabilités doivent être partagées? La question mérite au moins d'être posée. Et les scooters débridés, on en reparlera à 12h15 dans C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. La campagne de sensibilisation, elle, se termine le 3 septembre. Elle débute aujourd'hui, quelques jours donc après la rentrée. La rentrée scolaire, justement, l'occasion de faire le point sur le POP, le plan ordinateur portable. Chaque lycéen de seconde reçoit en début d'année 500 € pour acheter un ordinateur, mais des limites sont tout de même imposées. L'ordinateur est en effet verrouillé avec le système Ubuntu, une précaution pour éviter que les élèves n'utilisent l'ordinateur pour les jeux vidéo. Embêtant, mais certains ont trouvé la parade. Mon ordi POP, quand je l'ai eu, je l'ai utilisé deux fois et je l'ai mis de côté. Parce que c'est un ordi qu'on peut pratiquement rien faire et ça m'a agacé. Donc j'ai préféré m'en acheter un autre que de l'utiliser. Je l'ai vendu, il ne m'intéressait plus, j'en avais plus besoin. C'est à la maison, ça marche toujours mais j'utilise pas. Le logiciel Ubuntu, je sais pas quoi là, c'est chiant. Je l'ai passé sous Windows et maintenant j'utilise pour le traitement de texte, pour les cours. pour les diaporamas, pour Internet, YouTube, tout ça. Comme à la maison, on n'a qu'un seul ordi qu'on se partage. Quand j'ai besoin de faire des traitements de texte ou des choses comme ça, j'utilise l'ordinateur, le POP. Et chez moi, et des fois, ma grand-mère en a besoin, donc je lui passe pour regarder des séries sur YouTube, des séries indiennes, s'il vous plaît. Des réactions recueillies par Raphaël Kahn. Et cette année, la région financera également la connexion Internet des familles les plus modestes, maximum 20 euros par mois. Dans le reste de l'actualité, cette question, peut-on emmener de la viande pays dans l'Hexagone? Hier, Air Austral et Corsair ont empêché les passagers d'embarquer avec leurs saucisses et autres boucanés à cause, semble-t-il, de la fièvre aphteuse à Maurice et Rodrigue. Et pourtant, il n'existe aucune interdiction ministérielle du côté de la préfecture. Jean-Max Koupoussami, boucher au chaudron, ne comprend pas. Nous n'avons rien à voir avec ça, si vous bien. De ce côté sanitaire, la Réunion n'a rien à voir. Nous dépendons de la France. Il y aura une paix pour tous les artisans de la Réunion. Et on reparlera de cette affaire avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier. Reçoit aujourd'hui Loïse de Valicourt, chef du service alimentation à la DAF. Rendez-vous à 7h15, juste après ce journal. 7h06 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. C'est le 50e prêtre à être ordonné à La Réunion. Loïc Prunière, 30 ans, est originaire de Montvert. Il a été ordonné hier à la Ravine des Cabris. Plusieurs milliers de personnes, dont ses parents et amis, ont assisté à la cérémonie qui a eu lieu juste à côté de l'église Saint-Augustin, là où le père Loïc devra mener sa mission. Une paroisse qui a également accueilli hier les JMJ locales. Pourquoi cette date à La Réunion? La réponse du père Pascal, organisateur des JMJ locales. Les Journées Mondiales de la Jeunesse, c'est une fois tous les 3 ans et tout le monde ne peut pas partir parce que bon, c'est loin et c'est cher. Et donc on a fait le choix cette année eh bien, de permettre de faire le jour de l'ordination, qui est une grande fête pour l'Église, de retrouver eh bien, tous les jeunes qui sont partis, les inviter à témoigner de leur foi avec ceux qui ne sont pas partis et de prier ensemble pour notre futur prêtre qui est Loïc. C'est un prolongement et aussi le pape nous a invité à sortir notre fauteuil, à mettre nos chaussures et à prendre notre vie en main. Bien sûr, la foi chrétienne, c'est prier, c'est aller à la messe le dimanche, mais c'est aussi témoigner en vivant en tant que chrétien, en disant bah, qu'on s'instruit, on écoute les médias, on échange, on réfléchit et on étudie pour essayer de rendre le monde meilleur là où est-ce qu'on est, à l'école ou à la maison. Le père Pascal, organisateur des JMJ locales au micro Réunion Première de Pierre Komorasami. On passe au sport avec d'abord du football et la fin hier des 8e de finale de la Coupe régionale de France. 7 équipes de D1R étaient en lice. Il en reste 4, Saint-Pierre, l'Excelsior, Sainte-Suzanne et la Capricorne. Elles sont accompagnées de 3 équipes de D2R et une de D2 départementale. Les précisions d'Olivier de la Richaudie. Mais qui arrêtera le FC Trois-Bassins? Le tombeur de la Sainte-Marienne a fait une nouvelle victime dans les rangs de la D1R. Les Trois-Bassinois sont allés chercher le SDFC sur sa pelouse, 2-1. Sortie de piste également pour la Saint-Pauloise qui s'incline face à Grandbois. Score final, 3-2. Pas de nouvel exploit pour la Tamponnaise après avoir sorti 2 clubs de première division. Les hommes de Jean-Pierre Bade ont trébuché face à l'AS Sainte-Suzanne, 1-0. La logique a aussi été respectée dans la rencontre qui a opposé Saint-Philippe à l'Excelsior. Les Saint-Joséphois s'imposent 5-0, portés par un triplé d'Olivier Huette. Enfin, l'affiche de ces 8e de finale s'est soldée par une victoire de la JSSP sur la Jeanne d'Arc. Les Portois qui ont tout de même poussé les champions en titre jusqu'au tir au but, les Saint-Pierrois se qualifient pour l'écart 5-3. Saint-Paul, le Saint-Denis FC et la Jeanne d'Arc ont donc été éliminés. Les quarts de finale sont prévus les 17 et 18 septembre. En course à pied, Jean-Patrice Payet et Frédéric Duchemin ont remporté hier main dans la main le Camélia Red chez les femmes. Victoire de Delphine Deran. Et puis déception pour le handball français aux Jeux Olympiques. Après les filles, samedi, les experts se sont inclinés hier soir en finale face au Danemark. Résultat 28-26. Une médaille d'argent, certes, mais pas de triplé historique. Les JO, on en reparle tout de suite avec nos confrères de France Info. Rendez-vous dans 4 ans à Tokyo. Les Jeux Olympiques de Rio se sont achevés cette nuit au rythme de la samba et sous la pluie pour la cérémonie de clôture. Un peu plus tôt, la France a remporté sa dernière médaille, l'or rien que ça, grâce au boxeur Tony Yoka en catégorie super lourd. En revanche, les handballeurs français ont dû se contenter de l'argent, défaite en finale des experts face au Danemark 26-28. Ils visaient un 3e sacre européen consécutif. La France a donc 42 médailles, une de plus qu'à Pékin en 2008. Elle est 7 au classement des nations avec en tout 10 médailles d'or, 18 en argent, 14 en bronze. Et puis dans le top 3 du classement des nations, les États-Unis tout en haut, 121 médailles, donc 46 d'or. Derrière, la Grande-Bretagne et la Chine, en tout 306 médailles d'or ont été distribuées. Pour Arnaud Montebourg, le bilan de François Hollande n'est, je cite, pas défendable. Des mots durs envers le chef de l'État qui ne tombent pas par hasard. L'ancien ministre du redressement productif et de l'économie est désormais candidat à la présidentielle de 2017. Annonce France depuis son fief de Frangy-en-Bref en Saône-et-Loire lors de sa traditionnelle fête de la Rosière. Il n'a pas précisé s'il se présentait ou pas à la primaire, mais en tout cas il appelle le président à ne pas se représenter l'année prochaine. François Hollande justement qui sera cet après-midi au large des côtes italiennes. Le président français participe à un mini-sommet post-Brexit avec ses homologues italiens et allemands, Matteo Renzi et Angela Merkel. Une rencontre à trois pour montrer l'unité de l'Europe après la décision de la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères dénonce un crime odieux après la mort de deux Français à Madagascar. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années, ils étaient bénévoles dans une association environnementale. Leur corps a été retrouvé hier matin sur une plage de l'île de Sainte-Marie, c'est au nord-est du pays. Ils portaient des blessures à la tête et ces deux jeunes Français avaient passé la soirée dans une boîte de nuit non loin de là, mais pour l'instant pas plus de précisions. Un nouveau raid aérien français en Syrie contre le groupe État islamique à Raqqa, dans le centre du pays. Le ministère de la Défense a précisé dans un communiqué qu'il visait cette fois un centre de stockage et d'armement lourd de l'organisation terroriste. L'organisation terroriste justement soupçonnée d'être à l'origine de l'attentat contre un mariage en Turquie, près de la frontière syrienne à Gaziantep. Et c'est en tout cas donc la déclaration du président turc Erdogan, et selon lui le kamikaze qui était âgé entre 12 et 14 ans, bilan au moins 51 morts. Des centaines de producteurs venus des Pays de la Loire, de la Bretagne et de Normandie attendus devant le siège de Lactalis en Mayenne aujourd'hui. Ils protestent contre les prix pratiqués du géant laitier. La consultation chez son médecin généraliste coûtera plus cher à partir du 1er mai 2017. On passera de 23 à 25 euros l'année prochaine. La Fédération des médecins de France a donné son feu vert à la nouvelle convention tarifaire des médecins. En football, des derniers matchs de deuxième journée de Ligue 2 hier soir avec la victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Metz 3-0. Saint-Etienne remporte son match face à Montpellier 3-1. Guingamp gagne à la maison face à Marseille 2-1. Merci de nous faire confiance sur la première, il est 7h12. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Ah Mickaël, heureusement les rayons du soleil ramènent un peu de chaleur. Ah oui, Isabelle, heureusement, pas plus de 3 degrés sur la plaine des Cafres, 19 au port tout de même, en passant par 16 à Saint-Denis et Saint-Pierre. Il fait frais ce matin à nouveau, le thermomètre va remonter au profit du soleil qui va bien briller en matinée, les nuages vont s'imposer tout de même dans l'ouest et le sud de l'après-midi, notamment vers les Macs et vers le Tampon, on pourra avoir quelques gouttes. Ouais. Le littoral sera concerné aussi par ces nuages, donc beaucoup moins de bleu, plus de gris en cours d'après-midi, en cours de journée, alors que de l'autre côté du barrage Ouest-Saint-Rose, ça sera quand même plus éclairci, tout à fait éclairci sur le littoral, un peu moins quand même sur le volcan, le McDo et dans les cirques. Température cet après-midi de 15 à 26 degrés, 15 au volcan, 20 au tampon et 26 à Saint-Gilles. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Aujourd'hui, grosse rentrée. Ça se voit également sur le réseau routier. Et vous êtes du côté de l'échangeur du Verger. Oui, c'est très ralenti. Hein, donc en fait, la circulation est très compliquée depuis petit bazar avec la présence de ce véhicule dans le fossé. Dans un premier temps, après, il y a une zone roulante. Après, ça recoince donc, à hauteur de la marine, la montée vers le plateau de Chassagne. Des endroits un petit peu roulants. Et puis, ça recoince bien au niveau de l'échangeur de la Convenance, donc avant le pont de la rivière Sainte-Marie. Vous avez encore ensuite une zone très ralentie au niveau du plateau de la Mare. Il y a une légère zone roulante entre du parc jusqu'au niveau de la ligne droite de la Jamaïque, mais après c'est coincé d'ailleurs jusqu'au front de mer de Saint-Denis. Donc ouais, grosse difficulté hein, donc pour ce lundi de rentrée. Circulation en déficit également sous les tranchées du boulevard sud, c'est plein dans les deux sens, le pont Vincennes également. Pour la route du littoral, là aussi ça c'est nettement compliqué puisque c'est à hauteur du virage de Ravine à Malheur, près de 9 km avant le tunnel du Cap Bernard, et puis sous le tunnel du Cap là aussi sur la fin de la route des Tamarins pour le début des difficultés, sachant que ça roule encore à peu près sur le littoral ouest en bas sur la zone de Grandfond Boucan. Circulation compliquée jusqu'au pont de la rivière des Galets. Hein. Donc vous qui continuez votre route sur la 4 voies dans le sud, les difficultés liées aux véhicules agricoles, notamment entre Saint-Philippe jusqu'à Saint-Pierre, ce n'est pas facile non plus. À tout à l'heure. Merci beaucoup Yves, rendez-vous avant 7h30. Et nous, avant 7h30, avant 8h, Eh bien, on va poster des photos. Voilà, exactement. Encore, c'est le défi photo du matin. Voilà, juste une petite précision à Nadine qui a envoyé sa photo sur Facebook. Ma fille, le principe, c'est de mettre un vrai photo d'un vrai petit déjeuner, pas un photo petit déjeuner piqué sur Internet. Bah oui, c'est sûr que ça marche pas sinon. Fais attention, bah Nadine. Non. Christelle de la Plaine des Cafres est avec nous par SMS. Elle au 06 92 70 2000. On lui nouveau fait un bisou. Nouveau numéro, faut bien le retenir celui-là. Hein. Et Christelle peut envoyer sa petite photo de petit déjeuner. Mm-hmm. Et à cette heure-ci, vous êtes en famille avec les collègues, peut-être avec les amis, en voiture, à la case. Peut-être. Où vous soyez ce matin, vous envoyez votre petite photo sur la page Grand Matin, vous likez en même temps la page. Et à la fin, avant 8h, peut-être vos places de cinéma à gagner. Des invitations pour aller au cinéma dans la poche et une participation pour le tirage au sort de vendredi. Si c'est pas bien tout ça. Ah bon, on sait plus quoi faire. Hein. Bah là, tout de suite, Philippe Dornier nous a rejoint, c'est l'invité de la matinale dans un instant. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Ah, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Et il est 7h17 sur Réunion Première. Vous nous rejoignez en ce moment, l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin, vous recevez Loïse de Valicourt, chef du service alimentation à la DAF Réunion, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Loïse de Valicourt, bonjour. Bonjour. Des voyageurs qui prenaient l'avion pour la métropole hier ont cru qu'ils n'avaient pas le droit d'emmener de viande à bord. Gros émoi, évidemment, à cause de la fièvre aphteuse qui sévit dans la région. Quelles sont les règles, précisément ? Oui, il s'agit en effet d'une confusion, puisque la règle, ce n'est pas l'interdiction d'exportation de produits de la Réunion vers la métropole, mais bien l'exportation de produits provenant des îles affectées actuellement par la fièvre aphteuse, que sont Rodrigue et Maurice, vers la métropole. Alors, il y a eu une confusion, puisque l'ensemble des passagers ont eu ce message, qui venait de la Réunion ou des îles Rodrigue et Maurice en transit, de ne pas exporter des viandes. Mais c'était au-delà de ce qui était attendu par le ministère. Oui, parce que visiblement, il y a des passagers qui ont dû laisser à la douane le boucanet, les saucisses fumées qu'ils avaient prévu d'emmener. Oui, j'ai entendu cela aussi, mais en effet, c'était au-delà des règles, puisque en temps normal, il est tout à fait possible de transporter de la viande, et aujourd'hui encore, il est possible uniquement, par contre, s'il s'agit de viande produite à la Réunion. Alors, ce qui est interdit d'importer dans les bagages, ce sont les denrées animales ou d'origine animale, c'est bien ça, issu de pays autres que l'Union européenne. Oui, c'est cela. Hors produits de la pêche, c'est différent ? Pourquoi ? Oui, les produits de la pêche sont autorisés par les voyageurs. Et spécifiquement dans le cas de la fièvre aphteuse, ces denrées-là ne peuvent pas transmettre le virus. Est-ce que les contrôles sont renforcés actuellement sur ce sujet ? Oui, les contrôles sont renforcés depuis que la Réunion a eu la connaissance de l'épidémie dans les îles Rodrigue et Maurice. Et donc il s'agit de contrôles notamment dans la voie aérienne, puisque du côté de Pierrefonds et de Gilot, on a reçu régulièrement des avions de Maurice, mais aussi de Rodrigue. Ça suppose des moyens supplémentaires ? Pour l'instant, ça suppose surtout une réorganisation de mon service avec la participation d'agents en grand nombre pour ces contrôles. Ça reste des contrôles conjoints avec les douanes qui, elles, sont par contre présentes à chaque arrivée. Et quelles sanctions pour un touriste réunionnais qui reviendrait de Rodrigue ou de Maurice avec de la viande, des bouchons ? Alors là, la sanction, bah pour l'instant, on en est à l'avertissement quand on s'aperçoit que la personne a récupéré ses denrées et a tenté de les introduire par négligence. Par contre, si on s'aperçoit qu'elle a vraiment tenté de les introduire malgré les conseils, là, on va sur des amendes qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros. Confusion donc autour de la fièvre aphteuse, maladie qui frappe l'île Maurice et Rodrigue. Avant de parler des risques pour La Réunion, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la fièvre aphteuse? Ça ne concerne pratiquement que les animaux? Oui, ça ne concerne que les animaux, c'est important de le redire. Il y a eu très rare cas d'hommes touchés, mais c'est pour oui, ça que c'est ce qu'on appelle une maladie bénigne chez l'humain, et puis il faut vraiment être en contact de près avec la maladie. Par contre, elle est très très importante pour La Réunion, et surtout pour l'élevage de La Réunion, puisqu'elle peut toucher l'ensemble des ruminants, donc ça veut dire les bovins, les petits ruminants que sont les caprins et les ovins, les chèvres et les moutons, et, mais aussi les porcins. Donc en gros, une grosse grosse partie de l'élevage réunionnais. Quelles sont les espèces infectées quand ça touche cette maladie touche les élevages? Alors elle peut infecter les bovins, comme je l'ai dit, et elle peut infecter aussi les porcins. Quand elle infecte les porcins, elle a la capacité par contre de se diffuser de façon beaucoup plus grande. C'est-à-dire que le porcin, lui, va excréter des virus pour infecter plusieurs milliers de porcins par jour. Ça se propage très vite alors? Ça se propage très vite. Alors ça se propage évidemment d'animal à animal par contact, mais ça peut aussi se propager par la voie aérienne et par l'ensemble des productions animales que sont le lait, le sang ou les litières. Comment se traduit la maladie? Par quels symptômes? Donc on a une incubation qui est assez courte, hein, de 3 à 7 jours. Puis l'animal commence à avoir de la fièvre. Et assez vite, chez les porcins, par exemple, ils se mettent à baver et à boiter. Parce qu'en effet, ils développent des aphtes dans la bouche avec des grosses cloques, avec le décollement de la muqueuse, qui est très douloureux pour l'animal, donc il arrête de manger. Pour les porcs, par contre, ils peuvent perdre leurs onglons, donc ils se mettent à boiter, puisque carrément leurs onglons tombent. Et en fait, c'est une non-valeur économique, puisque l'animal ne mange plus et perd énormément de poids. Il pourrait récupérer, ce n'est pas une maladie mortelle, hein, il y a très peu de mortalité. Par contre, il ne retrouvera jamais la forme qu'il avait avant. Et donc, c'est pour ça qu'on doit lutter contre cette maladie. De quelle façon elle se propage? Il y a plusieurs modes de contamination? Oui, il y a plusieurs modes. Donc, comme je l'ai dit, le mode le plus important, ça va être le contact entre les animaux. Par contre, le transfert de litière, par exemple, on peut imaginer un éleveur qui transporte ses litières sur la route, qui en laisse tomber sur le sol, les voitures qui passent, un agriculteur qui lui-même passe avec sa voiture, rentre dans son exploitation et rentre le virus. Après, il faut évidemment que le virus entre en contact avec l'animal pour être infecté. Mais donc aussi toutes les denrées d'origine animale, c'est pour ça qu'on insiste sur ces fameuses viandes boucanées ou pas, hein, qu'elles soient importées de Rodrigue ou Maurice, si par malheur elles arrivent lors d'un déchet par exemple, via un porc, le porc lui qui mange ce genre de déchets peut tout à fait développer la maladie. Alors est-ce qu'il existe un ou des vaccins contre la fièvre aphteuse, vaccins préventifs? Oui, alors vous avez bien fait de dire un ou des vaccins, puisque justement c'est le problème de cette maladie, puisqu'elle a 7 variants. Et donc avant de pouvoir vacciner, il faut identifier le virus, c'est ce qui a tardé à Rodrigue et à Maurice. Mais de façon générale, ce n'est pas le moyen de lutte contre cette maladie, puisqu'il faut être plus rapide qu'elle, et on va plutôt sur un abattage. L'abattage pour éviter la diffusion. La vaccination est interdite, mais par dérogation on peut l'obtenir, sous certaines conditions, c'est un arrêté du ministre, et on ne fera jamais de vaccination préventive. C'est-à-dire, même en connaissant le type de virus qui pourrait nous arriver, on ne va jamais vacciner l'ensemble de la Réunion. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces animaux-là ne sont que des boucliers et continuent à héberger le virus et à pouvoir l'excréter. Donc il faut rapidement, une fois qu'on a vacciné les animaux, en anneaux par exemple, autour d'un foyer, il faut rapidement les abattre. Donc on ne peut pas se permettre d'abattre rapidement l'ensemble des animaux de la Réunion parce qu'il y a tous les reproducteurs. Et quelles sont les solutions pour stopper une épidémie? Il faut obligatoirement abattre les animaux contaminés? Voilà, donc c'est un des volets sur lesquels travaille la DAF actuellement, de pouvoir lutter contre la diffusion d'un foyer. Une fois si malheureusement on doit identifier un cas, les méthodes à mettre en place sont déjà un abattage sur le foyer. L'ensemble des animaux, pas seulement ceux qui sont malades, sont abattus. Et puis après, on met sous surveillance dans certains rayons autour de l'élevage, tous les élevages qui sont implantés, des espèces sensibles à la fièvre aphteuse. Et on les observe le temps de l'incubation. Quelle est la situation aujourd'hui à Maurice, à Rodrigue? Combien de bêtes ont dû être abattues? Alors, j'ai lu dans la presse le nombre de bêtes qui n'a cessé d'augmenter. On est près de 2000, il me semble, à Rodrigue, et plus de, on approche les 1000 à Maurice. Mais le plus important, c'est la vitesse de diffusion des foyers et le nombre de foyers qui ne cessent d'augmenter. L'île de Rodrigue, a priori, n'a pas maîtrisé ses foyers puisqu'ils n'ont cessé d'augmenter. Actuellement, toute la surface de l'île est atteinte. C'est surtout dû au fait qu'il n'y a pas de cheptel vraiment constitué avec des bâtiments. Les animaux sont tous intercroisés, donc c'est difficile à gérer. À Maurice, ils ont eu connaissance au début du mois d'août de l'épidémie. Donc, ils ont pu rechercher l'ensemble des foyers grâce aux importations connues en provenance de Rodrigue, ce qui a permis d'identifier rapidement des foyers. Puis après, des foyers épidémiologiquement liés, c'est-à-dire des foyers dans lesquels on a su que quelques jours auparavant étaient sortis des animaux. Donc il faut aller très vite avec cette maladie. Dès lors qu'on a un foyer, il faut remonter sur l'historique des animaux qui sont rentrés et sortis afin de pouvoir retrouver les fermes qui sont liées et pouvoir pratiquer les mêmes mesures dans ces fermes. Alors la Réunion cherche à se prémunir contre ça, évidemment, avec la préfecture qui a annoncé le 10 août dernier toute une série de mesures préventives à respecter, lesquelles en particulier et d'autres doivent être annoncées dans la journée. On peut en savoir plus ? Oui, alors il y a différentes mesures. Il y a une mesure qui est la principale, c'est sur l'introduction à la Réunion. Donc on mise tout là-dessus aujourd'hui, puisque le virus n'est pas encore là, a priori. Et donc il faut absolument interdire son introduction, donc via les aéroports et les ports, avec des messages aux passagers, mais aussi des contrôles renforcés, comme on l'a vu tout à l'heure. Concernant l'éventualité de la présence du virus aujourd'hui aussi, on a quand même mis en place dès la semaine dernière, des mesures de biosécurité en élevage, c'est-à-dire tout un ensemble de règles que doit respecter l'éleveur sur son élevage pour ne pas faire rentrer le virus, comme par exemple des pédiluves ou... Oui, on trempe les pieds dans un petit récipient. Empêcher les visiteurs de rentrer sur l'élevage. Par contre, on n'a pour l'instant pas limité les mouvements d'animaux entre élevages. Ça pourrait arriver ? Ça pourrait arriver dès lors qu'on aurait un foyer, mais pas sur toute l'île de la Réunion. On ne peut pas bloquer l'ensemble de la Réunion tout de suite. Les vêtements, ils doivent être désinfectés, les chaussures et les équipements aussi. Dans les cas extrêmes, il y a même conseillé de brûler les vêtements. Oui. En effet, comme vous l'avez dit, les vêtements et les matériels peuvent ramener du virus parce que sur la terre. Donc, et les vêtements, tout simplement, si on a été plus ou moins proche d'un animal. Par contre, brûler, évidemment, c'est radical. Je pense que si les personnes qui rentrent de ces îles-là lavent tout simplement leurs chaussures avec un désinfectant, type Javel, la semelle du moins, et passent leurs habits à la machine à laver, c'est déjà amplement suffisant. Le conseil a été donné, je le précise, par le vétérinaire du groupement de défense sanitaire dans un reportage sur Réunion Première récemment. Merci Loïse de Valicourt d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Merci à vous Philippe Dornier. Vous receviez Loïse de Valicourt, chef du service alimentation à la DAF Réunion, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. 7h27 sur Réunion Première. Et jusqu'à 8h, on est là. Exactement. Avec toute la Réunion. Nouveau point sur le trafic juste avant 7h30. Extrait de son album 5e A, c'était sorti en 2001. Voici MC Solar. Se trouve le Saint Groove, à 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-move, ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses, depuis Adam et Ève, le lièvre et la tortue, Paris sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux, c'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu, le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y'a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune, on dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verront la télé, et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube, je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Des tas de secrets d'état sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qu'ils ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé au coucou. juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell. L'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. MC Solar qui est revenu en début d'année avec son album No Future. Et que vous écoutez en ce moment avec Da Vinci Code, extrait de l'album 5e Mars qui est sorti en 2001. Isa. Oui. Allez, on allons sur les routes maintenant avec Yves. Allez. Vous êtes au bar à choix, Yves. Oui, après l'Est, c'est vers l'Ouest que je vais me diriger. Avant de rejoindre le Sud tout à l'heure, la circulation, donc ça y est, un bouchon quasiment continu depuis, allez, on va dire presque Sainte-Suzanne. Hein, donc, oh là là. Et même sans compter le problème de quartier français lié à ce véhicule dans le fossé. La circulation difficile en accordéon, donc quelques petites zones roulantes, mais beaucoup de zones très compliquées. Donc pour rejoindre le chef-lieu, ça y est, on est bien dans la rentrée. La circulation difficile, mais alors une fois passé les premiers feux, après sur le front de mer, le Lancastel, c'est plutôt roulant. Hein. Pour ça, c'est un barrage choix plutôt fluide. L'entrée ouest, c'est depuis l'entrée de la corniche qui démarre les difficultés avant de rejoindre le chef-lieu. Toute la route du littoral en difficulté actuellement, avec le pont Vincennes également encombré, tout comme les tranchées du boulevard sud comme tout à l'heure. Je rappelle qu'il y a toujours cette contrainte du pont de la délivrance avec la circulation à sens unique, sens descendant. Il y a un peu de monde dans les rampes de la montagne, quelques virages un peu délicats en ce moment, c'est le petit train comme d'habitude. Ce qui change dans l'ouest par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a toujours le bouchon sous le tunnel du Cap Laoussé, mais par contre maintenant depuis Saint-Gilles, la sortie de Saint-Gilles en direction du Cap Laoussé, mais par le littoral, eh bien ça y est, c'est également bien ralenti en ce moment. Prudence si vous circulez vers Saint-Paul par le littoral. Et bon courage à tous sur le réseau routier, 7h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Un ordinateur pour les élèves de seconde. La région reconduit son dispositif POP cette année, avec en plus une participation financière pour payer une connexion Internet. Le POP est-il vraiment un outil de travail? Reportage dans ce journal. À Mayotte, les élèves ne sont pas encore rentrés en classe. Dans les établissements, on planche sur la sécurité, un sujet important à l'occasion de cette rentrée. Erika souffre d'arthrite juvénile idiopathique. À 10 ans, elle est gênée par des douleurs, sa maladie est rare. Ses parents ont créé une association pour sortir de leur isolement. Nous entendrons la maman d'Erika dans un instant. Puis nous entendrons également Daniel Narcisse, médaillé d'argent à Rio avec les experts. L'or s'est envolé avec le talent des joueurs danois. Score final de la finale olympique de handball hier soir, 26-28 pour le Danemark. Avec la rentrée, c'est le retour des bons pop pour les lycéens. Le plan ordinateur portable, c'est un bon de 500 euros pour acheter un ordinateur à l'entrée en seconde. Une nouveauté cette année, la région financera également la connexion Internet des familles les plus modestes pour un maximum de 20 euros par mois. À quoi sert cet ordi pop? Raphaël Kahn a rencontré des élèves du lycée Lecomte de Lille à Saint-Denis. Les lycéens vont en cours cartable sur le dos. À l'intérieur, cahiers et trousses, mais pas d'ordinateur pop. Pour la plupart des disciplines, le papier suffit. Les matières scientifiques mobilisent surtout l'outil digital, selon Alicia, élève en première S. Quand ils nous demandent, on ramène, c'est tout. On l'utilise en maths, ouais, pour les algorithmes et des trucs comme ça. À la maison, difficile de surveiller ce que font les lycéens avec leur ordinateur. Si certains ne l'utilisent que pour taper leurs devoirs et faire des recherches, nombreux sont ceux qui en font une utilisation détournée. Jeux vidéo, internet, tout est bon pour ne pas travailler. Basile, élève en terminale STMG, est un peu plus créatif. Je fais de la musique avec. J'ai installé un logiciel de MAO et je fais des sons avec. Pour installer son logiciel, Basile a dû craquer son ordinateur. Par défaut, celui-ci est installé avec Ubuntu, un système d'exploitation limité. Pour contourner ces restrictions, certains jeunes modifient leur machine pour le remplacer par Windows. C'est ce qu'a fait Solène avec son ordinateur, mais dans un but scolaire. J'ai installé Windows dessus et du coup, il y a plus d'applications utiles dessus. C'est mieux. Quoi comme application? Bah, par exemple, OpenOffice, pour le travail, ou même Google Chrome, ou des trucs comme ça, enfin des trucs plus utiles, quoi. Attention néanmoins aux lycéens qui se la donnent des idées. Craquer son ordinateur annule la garantie de 3 ans. Un reportage de Raphaël Kahn et bon courage à tous ceux qui rentraient vraiment ce matin et aux automobilistes qui ont pu constater que les bouchons ont aussi fait leur rentrée. À Mayotte, les élèves sont encore en vacances. La rentrée des classes, elle s'organise et comme chez nous, la sécurité au sein et aux abords des établissements sera l'une des priorités du vice-rectorat. Pour être prêts, les cadres des collèges et lycées nouvellement arrivés dans l'île se sont réunis. Ils ont fait le point sur les attitudes à adopter. On ne parle pas nécessairement d'attaques terroristes, mais d'insécurité. Était lié à l'attitude de jeunes. Faïd Souaili. Il faut connaître les causes de l'insécurité pour mieux la combattre. Tel est le discours tenu par le vice-rectorat de Mayotte au cadre des établissements scolaires. Et visiblement, le message est bien passé. Anicette Manioc, gestionnaire adjointe du collège de Ouangani. Et par rapport justement à la cause de ces violences, la plupart du temps, c'est des élèves de villages différents. J'ai découvert cet aspect et cette problématique. Les cadres des collèges et lycées ont discuté avec les représentants de la police et de la gendarmerie. Ils ont aussi rencontré des 21 agents des équipes mobiles de sécurité qui ont pour mission de patrouiller autour des établissements. Ceux-ci sont donc sortis rassurés de cette réunion, à l'image de Pascal Lecoq, proviseur du lycée du Nord de Msangadoua. J'ai choisi de venir ici, on ne m'a pas obligé à venir et je crois qu'il faudra faire la part des choses, sachant que bien sûr il peut se passer des choses. Mais vous savez, en métropole, il y a aussi des quartiers compliqués. Je serai vigilant, puisqu'on m'a dit qu'il faut être extrêmement vigilant à Mayotte, mais je ne suis pas plus inquiet que ça. Les établissements scolaires font leur rentrée ce mardi et nul doute que certains cadres devront appliquer plus vite que prévu les mesures de sécurité préconisées par le vice-rectorat. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. 7h35 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Erika a 10 ans. La fillette souffre depuis 5 ans d'arthrite juvénile idiopathique, une maladie rare qui se manifeste par une inflammation chronique des articulations. Il existe des traitements pour diminuer les douleurs, mais il n'existe aucun médicament pour en guérir. Pour soutenir Erika dans son combat contre la maladie et aider d'autres personnes atteintes d'affections rares, sa famille et ses amis ont créé l'association Erika. Pour faire vivre cette jeune association, une soixantaine d'adhérents se sont retrouvés pour une journée festive à l'étang salé. Nathalie Ledoyen est la maman d'Erika. Danielle Lombreville l'a rencontrée. En 2013, Erika avait des douleurs. Et nous, on disait, bon, ça va passer, c'est des douleurs musculaires, ça va passer, ça va passer. Et un beau jour, notre médecin nous a dit, bah, il faut l'emmener faire une IRM. Donc on a fait une IRM, on a fait une scintigraphie. On a découvert de l'algodystrophie chez Erika. Ensuite, on a refait une IRM qui nous a dit que c'était une neuroalgodystrophie. Et depuis 2013, on se bat. On se bat pour vraiment savoir ce qu'elle a. Le diagnostic est tombé en 2015. Une maladie dont on ne guérit pas. On ne guérit pas. On soulage les douleurs, mais qu'on ne guérit pas. Et quel est le devenir d'Erika ? Ben, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Les médecins ne se prononcent pas. Donc, il nous a dit pour l'instant, le traitement, ça va durer 2 ans. Sur 2 ans. Mais après, le reste, il ne peut pas nous dire. Nathalie Ledoyen, la maman d'Erika, répondait à Daniel Dambreville. Retrouvez un reportage plus complet sur le sujet ce soir. Le Zoom de la rédaction, c'est juste après le journal de 18h. Une nouvelle campagne de prévention à destination des conducteurs de scooters. Il s'agit de les sensibiliser au risque du débridage. Les scooters sont souvent accidentés. 70 cyclomotoristes environ chaque année. Des accidents souvent dus à une vitesse excessive, permise grâce à un bidouillage. Le débridage des scooters, c'est formellement interdit par la loi. Les forces de l'ordre sont d'ailleurs équipées d'un appareil spécial qui peut mesurer la vitesse maximale d'un deux roues. Ça s'appelle le curvomètre. Les explications du major Robert Lucas, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière de La Réunion. On ne peut pas le voir du premier coup d'œil. C'est pas parce qu'il fait du bruit qu'automatiquement il est puissant. Il faut donc voir la mécanique elle-même. Et des fois, ce n'est qu'un simple gicleur ou une simple intervention électronique qui permet de débrider. Et ça ne se voit pas spécialement à l'œil nu. Dans ce cas-là, il faut une expertise qui coûte très cher, évidemment. Par contre, le curvomètre, lui, nous permet de détecter immédiatement si le bridage a sauté ou pas. La plus grosse sentence, ça va être la mise en fourrière de son scooter, une amende de 135 euros. Et puis, il va falloir qu'il le remette en état. Si jamais il ne le remettait pas en état, le scooter serait donc confisqué, détruit ou alors peut-être revendu avec le bridage compris si jamais évidemment il était revendable. Le major Robert Lucas, interrogé par Stéphane Henny-Lorac, ça peut coûter cher. Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 euros. Le débridage des scooters, on en parle ce midi. Ce sera le thème de C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités, notamment le major Robert Lucas. Rendez-vous dès midi 15 sur Réunion Première. Du sport avec, sans aller à Rio, un petit air de Jeux Olympiques ce week-end à Champfleury. Un village éphémère a été installé pour la manifestation Soyons Sport, au programme de l'escrime, du hand, du crossfit ou encore des échecs. Il y en avait pour tous les goûts, mais surtout pour tous les âges. Illustration avec le Baby Hand. C'est Daniel Narcisse, ou plutôt Leïla Lejeune en version 3-6 ans. Parvati, Rachel et Louise, toutes trois âgées de 4 ans, ont testé le Baby Hand. Écoutez. En fait, avec les mains, les noisettes, il fallait passer par le rond, après sauter dans les ronds en parterre, après il fallait courir sur le tapis, après il fallait sauter sur les deux trucs jaunes, après il fallait courir, Après, il fallait pencher, après, il fallait encore sauter, et après, il fallait passer dessous le pont vert avec la noisette, et après, on a réussi. Il faut lancer le ballon pour détruire le mur du château. En fait, le ballon, il faut lancer pour délivrer la princesse. Et si on a gagné, ben après, on refait et c'est très génial. Oh, c'est très génial. Des championnes, un peu écureuil avec des noisettes, interrogées par Olivier de la Richaudie. La relève est là. Les Jeux Olympiques de Rio, c'est fini. Et hier, déception pour les handballeurs français battus par le Danemark. Daniel Narcisse et les experts doivent se contenter de la médaille d'argent, comme l'équipe féminine, elle aussi médaillée d'argent samedi. À l'issue de la rencontre, Daniel Narcisse reconnaissait que les Danois avaient été bien meilleurs. Il a tenu à remercier la Réunion pour son soutien. Écoutez. Il ne faut pas l'oublier, féliciter toutes ces personnes qui nous ont aidés à atteindre cette médaille d'argent. Et évidemment, tous les supporters, parce qu'on a reçu, moi personnellement, mais aussi tous les autres joueurs d'équipe de France, reçu énormément de soutien de tous les Français, de tous les Réunionnais, évidemment, pour nous pousser, pour essayer de nous donner d'énergie pour aller au bout. Tout ça, il faut les remercier, parce que c'est encore une fois une aventure incroyable. Daniel Narcisse répondait à Martin Baumer. 42 médailles pour les Français à Rio, c'est mieux qu'à Pékin en 2008. Et prochain jeu d'été à Tokyo dans 4 ans. Et on est impatients de voir ce qui se passera à Tokyo. Merci Cécile, à demain. 7h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et ça tient en deux mots, Mickaël. Beau temps. Oui. Surtout ce matin, oui. En tout cas, pour la journée de lundi, pour redémarrer comme ça une semaine de travail, ça fait plaisir de voir le soleil dans le ciel, les rayons du soleil qui réchauffent l'atmosphère. Mm-hmm. On était à 3 degrés, je vous rappelle, ce matin, donc au tout début du jour, hein, on a déjà gagné, peut-être un petit degré du côté de la plaine des Caves, pas beaucoup plus. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, il fait 20 degrés au port actuellement, ça va augmenter cet après-midi, on ira jusqu'à 26 sur les plages, mm-hmm. Il fera 12 degrés au volcan, et 20 degrés du côté de la plaine des Cafres, tout cela avec du soleil en majeure partie donc sur le littoral, plus de nuages sur les montagnes, sauf peut-être au volcan Meidoué dans les cirques où l'on devrait retrouver parfois des éclaircies, plus d'éclaircies aussi à l'est qu'à l'ouest, ça c'est nouveau pour la journée d'aujourd'hui, puisque c'est vrai que cet après-midi on sera peut-être un petit peu plus gris sur les rivages des plages et notamment de Saint-Pierre. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Trafic est dense aujourd'hui lundi et en plus il y a un poids lourd qui est en panne sur la route des Tamarins. Yves, vous êtes à la Grande Chaloupe. Ouais, en direction du nord, sur la partie à trois voies au sud de Saint-Leu. Au niveau de la ravine Petit Étang, le véhicule est sur la voie lente puisque c'est une partie à trois voies. En direction du nord, attention, sinon c'est toujours sous le tunnel du Cap, là où c'est que démarrent les ralentissements, avec des rampes de plateaux cailloux très encombrés. La partie route littorale également, la route des plages, depuis la sortie de Saint-Gilles, en direction des Cap Champagne, Cap Bernard, du Cap Champagne et du Cap Lahousset. Donc attention, en direction du cimetière marin de Saint-Paul, circulation difficile. Également sur la route du littoral. Alors ici, au niveau de la Grande Chaloupe, ça s'est peu libéré sur la partie sud de la corniche. Les difficultés démarrent maintenant juste avant cette Grande Chaloupe. Mais il y a des zones, pas mal de zones roulantes. Hein, donc l'autre point dur, c'est le virage du gouffre jusqu'à l'entrée du chef-lieu. Le pont Vincent toujours encombré et tranché également. Et puis en provenance de l'Est, pas mal de zones roulantes, mais beaucoup de ralentissements. Donc c'est une circulation à l'accordéon. Donc attention à être bien attentif, donc c'est pas parce qu'il y a un moment donné, vous avez l'impression que ça roule, que tout est terminé et tout est dégagé devant. La circulation va se faire avec des contraintes à partir de 8h30, donc dans moins d'une heure maintenant, c'est reparti pour une semaine de travaux de sécurisation de falaise vers Basse-Vallée et les coupures de 3/4 d'heure seront encore au programme tous les jours de cette semaine, soyez patients. Là-bas, très bonne route. Merci. Merci. Dernier point avant 8h avec vous hein, pour le trafic en temps réel sur Réunion Première. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer vos messages si vous êtes témoin d'un événement. N'hésitez pas à 06 92 70 2000. Ça, c'est le numéro. Et tout nouveau. Et tout chaud. voilà. Pour cette rentrée. Bon, faut s'y faire. Hein. Voilà. On a encore quelques minutes pour envoyer ces photos de petit déjeuner. On peut. Eh bien, vous vous dépêchez, c'est sur la page Facebook Grand Matin. Photos de petits déjeuners qui peuvent vous rapporter gros, à savoir des invitations pour aller au cinéma et peut-être une nuit pour deux dans un hôtel 3 étoiles du Sud. Si c'est pas magnifique tout ça. C'est cool, ça. Ça vous donne une double raison d'aller poster vos photos sur la page Facebook Grand Matin. GRANMATIN pour la trouver sur Face Bleu. Hein, comme on dit en français, face bleu. Enfin, voilà, voilà, bref, c'est pas grave. Facebook. Ouais, oui, Facebook. Avant 8h, le zapping avec Jackie Revel. Non, c'est ça, tu veux finir dans le zapping. C'est ça, oui, j'ai on envie. On n'est déjà pas assez dans le zapping. Non, on n'en est pas assez, je trouve. Hein, zapping. C'est pas possible. Zapping à 7h, à 7h50. Avant 8h, on vous fera gagner donc, peut-être vos places de cinéma. Uh-huh. Et puis, d'ici là, aussi la question, pas si utile, mais quand même. Voilà, c'est un nouveau rendez-vous dans l'émission de Grand Matin. Aïe, aïe, aïe. La question, pas si utile, mais quand même. D'accord. Bon, on se posera une question aujourd'hui. Il y a Prisca qui m'envoie un petit message pour me demander de vous rappeler le mot de passe pour le panier tout à l'heure. Grosse tomate. Ah bah voilà. Heureusement, vous savez, hein. Grosse tomate. Voilà. Si vous voulez gagner votre non, panier à 8h15. Non, c'est pas patate, c'est grosse tomate. Grosse tomate. Voilà. D'ici la métisse est avec nous dans la matinale. En bienvenue mode à tous. Care. Dans le care. Va. Bienvenue là, Agnon. À la anti mélodie pou. Écoute, Amélie va faire voyage à où tel un petit poème. Si c'est écrit pour où, mamzelle, m'y connais. Que moi, la zame était parfait. Mais auprès de où les efforts, moi, l'a accumulé. Et ça, on connaît. Et ça, on connaît. Mais nous, pépa, on reste là. On reste là. On reste là. De pour où, mon amour, il s'en sera pas. Il s'en sera pas. Mais nous, pépa, on reste là. On reste là. On reste là. De pour où, mon amour. Il s'en sera pas, il s'en sera pas. Parce qu'il est en moi qui est si ou mon café, mon épée, 8000 euros. Parmi les essais à bout fort, et des nids forts comme un trésor. Parce qu'il est en moi qui est si ou mon café, mon épée, 8000 euros. Parmi les essais à bout fort, des tirs, mes amours. Les passés compliqué, malgré tout ça l'a se passé dans mon cœur, où les graver et ça a zamé, et ça a zamé. Même si zorti ou vé aller loin, il s'agrine à moi qui ou ça va sans moi. Tenir en mon main, dis à moi, et dernier fois couillé ma main. Parce qu'il me l'est en moi qui est si ou mon café, moi le mille, mille ans. Par où me laisser à bout fort, et dernier fois comme un trésor. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça c'est jamais mi va oublier. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça c'est jamais mi va oublier. Parce qu'il est en moi qui est si ou mon café mon épée oui mi là. Par où mi laisser à ou fort. Et des nids fois comme un trésor. Parce qu'il est en moi qui est si ou mon café mon épée oui mi là. Par où mi laisser à ou fort. Des tirs mi là mort. Métis en mode international. Te quiero mi amor. Métis. En mode guerre. Dans Grand Matin. Tu aimes cette chanson. Jusqu'à 8h. Oui, j'adore. On sait. J'adore. On la remet. Tu peux la remettre. Non, c'est le moment de la question pas si utile. À 7h48. La question pas si utile, mais quand même. Mais qu'est-ce quand que c'est que cette question pas si utile, mais quand alors, même. Chaque jour, on va vous poser une question qui semble pas forcément. Super utile, ouais. Mais qui n'est pas si bête en fait. Ah bon, d'accord. Qui n'est pas si bête. Pourquoi les moustiques ne disons piquent... la rubrique, ça sert à rien, mais ça peut servir. C'est ça, c'est un peu ça. Pourquoi les moustiques ne piquent pas tout le monde? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Oui, forcément. Ouais. Forcément. Autrement dit, pourquoi ton voisin se fait sucer son sang alors que toi, pépère, tu t'en sors? Mais ça, en fait. Si voilà. Les moustiques me machin pas, moi je me poserais pas la question. Hein. Pourquoi il a quoi de plus alors, ou de moins? Une raison revient souvent dans les discussions. On sent les bons et toi, celui qui ne se fait pas piquer, bah, où le sent les mauvais. D'accord. Alors, c'est souvent ça. Ouais. Alors, ce qui a le mérite au moins pour le piquer, de se dire qu'il ne se fait pas piquer pour rien. C'est pas sa faute. Ça, c'est déjà pas mal. Sauf que non, ça n'a rien à voir. Ah, cela les chercheurs tient, en ont fait, cherché à trois paramètres. Mm-hmm. Oui, les chercheurs ont cherché. Alors, d'abord, la température du corps. Oui. Les odeurs qu'il dégage, qui ne sont pas forcément mauvaises, hein, on est bien d'accord. Mm-hmm. Et le CO2, le dioxyde de carbone, qu'il émet, qui attire plus ou moins les moustiques. Voilà, c'est par rapport à ces trois variantes que vous allez attirer donc plus ou moins les moustiques autour de vous. Mais dis donc, Jamy, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, oui, il faut le dire. Donc comme quoi, c'est pas si simple que l'on pense. Ah bon, alors, d'accord. Oui, d'où la question pas si bête. Ah. Alors vous avez 1000 fois plus de risques de vous faire piquer pendant un footing plutôt qu'après une bonne douche. À cause de la transpiration. Voilà. Mmh. De même comme les personnes corpulentes et les femmes enceintes produisent davantage de dioxyde de carbone que les autres. Elles d'accord. ont donc des cibles privilégié. Alors, dernier conseil, les buveurs de bière. En été, entourez-vous de spirales, car vous êtes exposés de façon plus importante au risque moustique. C'est une étude qui a été réalisée en Afrique qui montre que les personnes buvant de la bière se font davantage piquer que les autres. D'accord. La consommation de tout type d'alcool provoque sans doute le même résultat, puisqu'il entraîne en fait une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une hausse de l'activité du métabolisme et donc un accroissement des odeurs. Hein, bah, ça sent un peu plus, quoi. On est d'accord, on transpire un peu plus. On transpire, d'accord. Ce qui ne rend pas les moustiques bourrés ou buveurs larac, hein, on est bien d'accord. Oh. Hein, non, mais ça serait dommage quand même d'augmenter son pourcentage de risque et de choper par exemple la dengue. Mm. Donc faites attention quand même quand vous buvez en été. Alors par contre, avec un peu plus de sérieux, comme quoi, quand vous dites consommer avec modération, eh bien là, ça marche. Mm. Ça marche. Hein, de consommer les choses avec modération. D'accord. Ça marche aussi pour le moustique. Alors il paraît qu'il y a un festival du moustique. Eh oui, ouais, ça se passe en Russie. Exactement. Ouais. C'est tous les mois d'août, depuis 4 ans, il y a ce très sérieux festival du moustique, le festival russe. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Par exemple, on peut remporter des prix, d'accord, de la personne la plus savoureuse. Puisque là-bas, en fait, les gens s'inscrivent, c'est très sérieux, c'est hyper festif, hein, on est là pour faire la fête. Les gens s'inscrivent, en fait, après tu vas dans la forêt cueillir des baies. Ouais. Et ensuite, t'a à peu près 3-4 minutes. Et là-bas, ils aiment se faire piquer. Et là, ensuite, tu reviens et tu regardes et on compte le nombre de piqûres de moustiques que tu as eues. Si tu en as le plus, tu repars avec le prix de la personne la plus savoureuse, qui te permet quand même de repartir avec un joli verre en céramique, hein. Une tasse en céramique. Magnifique. Super Après, ça te fait figer son sang, c'est cool. Voilà, il y a la danse du moustique, etc. Enfin, la danse du moustique, c'est-à-dire le moustique danse. Les gens. le but étant, par exemple, il y a un truc, comment ça s'appelle, une sorte de carnaval déguisé. Tu viens déguisé en moustique, tu danses, la plus belle danse, c'est le moustique a gagné, quoi. Si tu veux pas être ridicule, tu vas au festival de moustiques, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Sinon, si vraiment vous n'aimez pas les moustiques, attention avec les enfants. Petite astuce toute simple pour les moustiques, enfin contre les moustiques, un orange, la pose orange. Tu piques 2-3 clous de girofle dedans, tu poses, plus de moustiques. Ça fonctionne. Oui. Faut en poser combien au moins autour de la table? Oh bah ça dépend, tu mets aux fenêtres ou si tu es en train de manger à table, tu mets 2-3 sur la table. Normalement, les oranges, c'est pour manger quand même. Oui, mais la peau de l'orange. Ah, juste la peau. Voilà, tu peux presser le jus du orange et puis après, hop, 2-3 clous de girofle. Voilà, assise de maman. Allez, merci. Voilà. Merci Tati Isa. Mais je t'en prie. On est tous dans le zapping. Tous. Sur le marché, il y a de quoi faire un zapping. Bonne journaliste, Higuin, histoire bébête aussi. La paix. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir le panier fraîcheur de rentrer en réunion. Réunion première, pardon. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci en tout cas, Fernand. Merci. Alors Fernand, il est accompagné avec sa... Big up. Tout le temps, mais on t'envoie big up. Également une médaille de bronze tardive en athlétisme pour Mayedine Mekissi en 3000 mètres slip. Stiple. Un joli petit lapsus. Ouais, je conseille de mettre le slip aujourd'hui. Amène-moi où ça va tirer à moi. Où tu es, Seigneur? Alors, si ça t'y trouve, comme dans le chemin, maman, excuse-moi, regarde deux fois avant de trapper. Bon, Bonjour Rollo, ça va bien? Bonjour Karen, ça va bien, merci. Là, vraiment c'est chouette. Même avant les chevons, il fait bouge la discothèque. Quand tu connais comme une amie, comme il fait bec la tête. C'est qui fait la vedette, mis sur tec, net, net, net. Number one, respect. Allô, oui, bonjour. Ah, bonjour tout le monde sur le plateau, là. Bonjour, bonjour. Où mon piment cabri avec tomate albus? Passe bien, oui. À Madagascar, dans le pimenté de bœuf. C'est aillé, ça? Le zapping est retrouvé tous les jours. La paix. Après 7h50. La paix. Et qui a gagné ce matin? Qui a envoyé la photo la plus insolite de petit déjeuner? Petit déjeuner dans le camion, je crois, ça. Il s'appelle camion. Yannick. Yannick. Bonjour Yannick. Comment allez Yannick? Il est là Yannick. Ça va, ça va. Yannick dans en plein travail là en ce moment, sur oui, la route. Oui, oui, oui, tout à fait. Et Yannick de Sainte-Marie. Et depuis depuis combien, quelle heure là le petit déjeuner est pris déjà? Ah ben depuis ce matin, ben quand j'ai envoyé la photo, Il était quelle heure? 5h15, 5h15, ouais, levé tôt. Hein. Rappelle à nous un petit peu que ça l'avait mettre sur toute photo de petit déjeuner, Yannick. Ben ce matin, il y avait le fameux yaourt en bouteille. Ouais. Et puis ben il y avait surtout une part de gâteau de coco que ma fille m'a fait. Oh. Ah, elle est gentille la fille. Il pense papa pour les travaux. Ah ben, Eh bien Yannick, du coup, grâce à votre fille, c'est vous qui gagnez les places de cinéma aujourd'hui. Ah ben c'est cool alors. Voilà. Eh ben oui, vous repartez avec deux invitations, des invitations qui sont valables dans toutes les salles du réseau Moréfilm, ou à Manou de Fille ou bien ou de Madame, au Ciné Cambé de Saint-Paul, Ciné La Case Saint-Denis ou encore au Plaza de Saint-Louis Yannick. Correct. Et comme tous les participants. Par contre, je ne vais pas mettre Simon sur Laïsa. Hein? Laquelle? Pique pas moi. C'était la pub ça, moustique, pique pas moi, c'est vrai. Et Yannick, ce qui est bien, c'est que peut-être qu'à la fin de la semaine, vous partirez qu'une nuit d'hôtel. Bah, ça c'est bien. Ah bah oui, il faudra bien rester à l'écoute et tout ça t'y participe. C'est pour ça qu'on a joué au film. Ah ouais. Donc en fait, tu n'es pas là avec le cinéma en fait. Ah bon, ouais, parce que sinon on peut les garder les places. Enfin, pas trop quoi. En plus ce matin j'avais un collègue qui écoutait aussi, mais il était plus place cinéma lui. Ah. Il gagne pas business, pas cinéma, mais non. Business la pointe. Mais il faut qu'il envoie sa photo. Bah il faut qu'il envoie voilà, sa photo, Yannick. Voilà. Loïc, à bon entendeur, salut. Voilà, Loïc, envoie ta photo et puis comme ça, peut-être des invitations. Et tous ceux qui participent tout au long de la semaine, eh bien, sont d'office dans le tirage au sort de vendredi. Bonne et journée, bon, Yannick. Yannick. Merci, je te permets à moi faire un gros bisou, mon talon, Jacques Revel. Bien bah sûr, fait, il est là. Jacques, il est là. Il est là. Cosme, allez, retour barré, frère. Jacques, on habite toujours là-haut. Ah oui, où ça n'est catastrophe électronique. Viens goûter, ma tante, par ici, c'est bonne journée, le frère. Ou pas trop jaloux, comme la mélange, tu es plus grand matin. Ah, on sort, ouais, bon, allez, gars, moi, je suis là avec Jacques, tu crois, là. On calcule tout seul, frère, moi, je suis bien content. Il reste la même, casse pas la tête. Et bah, reste là, Yannick. Allez, bonne journée. Allez, bye bye. Vous avez compris, Jackie, il arrive. Hein. Ah oui, toujours. 8h10. Bonjour, salut Jackie. Bah, t'es bien, Gaïa, encore gros matin, lève somme zot. T'as décrasé un peu mon figure. Mm-hmm. Mais pour décraser encore plus, mon invite Sabine Dizou parce que Zordine, ça cause un peu bread. Ah, bread. Dans la colle Jacques. On a les filles. Mm-hmm. Et puis, nous aura Fredo, son Marlène aussi. Ben, Fredo, la figure, le lendemain coup de vent. Et il trouve pas dentifrice. Et comment nettoie son dent de façon naturelle, c'est l'astuce. Et la légende de Fangana. Aïe. Tout ça, c'est entre 8h et 10h. Avec Jackie. Dans 3 minutes. Il sera là. Tout à l'heure, Jackie. Allez, bon. Chris Brown sur première. Chris Brown. Oh, bah pardon. Chris Brown aussi. Paul Pierre. Try to treat her well. She'll be back up at the club again. I know what you want, but you're not gon' get it. That's enough for sure. Got you fighting with me. You do what you want with somebody else. Et sur cette petite douceur, on va vous... Oui, Florent, le stylo, c'est bon, c'est pour toi. Tu peux écrire, il n'y a pas de problème. Chris Brown. On va vous laisser, on vous dira demain. Dans Grace le matin. And Greener. Au réveil, 5h-8h. Oui. Et c'était quoi le titre? Grace and Greener. Ouais, Chris Brown. Yeah. Chris Brown. Allez, à demain, la Réunion. Voici Yves Grouillet. C'est à vous, Yves. Yves? Ah, Yves, il est là. C'est bon. Là, il est là. Voilà, c'est bon. Il a signalé un véhicule en panne juste après le tunnel du Cap Lauter. La conductrice avait du mal à faire redémarrer sa voiture. Ça fumait beaucoup derrière. Et c'est au niveau du pont de la Savane, juste après le tunnel du Cap Lauter, en allant vers le sud. Donc, juste avant l'échangeur de l'éperon. Attention, les véhicules lents sont obligés de se décaler sur la voie médiane. La circulation ralentit toujours sous le tunnel du Cap là où c'est pas de changement, avec une circulation très compliquée pour redescendre jusqu'à l'échangeur de Belmen. Après ça va mieux, hein. Donc même sur la route digue, la circulation n'est plus à l'arrêt, vous passez correctement, enfin à peu près correctement Savannah et surtout Cambé et le pont de la rivière des Galets. Mais il y a vraiment toute cette descente fin de route des Tamarins, donc toujours compliqué. Et là, on les rampes de Plateau Caillou, c'est toujours très bouché, tout comme sur le littoral en bas, donc entre Grandfond et Boucan. Soyez patients. Le trou est impressionnant, hein, donc c'est un bloc de 4 à 5 tonnes qui est tombé au niveau d'Ilette-Alcide. C'est un endroit où c'est assez rare. Donc, il va y avoir une inspection de la falaise, hein, donc au niveau de cette route de Sillaos. Après cet impact sur la chaussée, donc ça concernait le sens montant. Heureusement que c'est tombé comme ça dans la nuit tôt ce matin et qu'il n'y avait pas grand chose comme circulation, parce qu'hier il y avait énormément de monde et ça aurait pu faire vraiment des dégâts, hein. Donc c'est vraiment un bloc qui est tombé vraiment de façon surprenante, et donc il va y avoir une inspection de la falaise. Voilà, très bonne route avec la première, encore quelques bouchons sur la route du littoral et à l'entrée est de Saint-Denis. Yves Grouillet pour l'information routière. Une minute, vous écoutez la première. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Les choses sérieuses démarrent ce matin pour les 224 350 élèves de notre île. Après une rentrée échelonnée, ils sont tous en classe, notamment les marmailles de l'école Jean-Marquis à La Possession. L'établissement utilise d'autres méthodes que celles conseillées par l'éducation nationale. Précision en direct dans ce journal. 15 millions d'euros, c'est ce que coûte le transport scolaire pour les 5 communes du TCO. Ce matin, coup de projecteur sur les accompagnateurs. Il y en a plus de 100, mais pour eux, hors de question de jouer aux gendarmes. Reportage à suivre. Autre chiffre, 135 euros, c'est le montant de l'amende si vous vous faites arrêter au guidon d'un scooter débridé. Certains de ces engins peuvent aller jusqu'à 120 km/h et ils ne sont évidemment